Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les vendredis 20h30, 22h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce soir, avant-dernière émission de la saison, on a décidé de faire les choses en grand, en très grand même. Va falloir pousser les murs tellement on est bien, tellement on est nombreux. Grosse émission ce soir, 4 invités plateau, 1 invité téléphone, tout ça en même temps. Ça va être un bonne petite émission. Puisqu'on a décidé de faire une émission un petit peu spéciale, on a organisé cette saison sur NPG une ligue dite des influenceurs. Et ce soir sont parmi nous 4 de ces... Oui. On n'entend pas. On n'entend pas les guillemets. Ah pardon. Ah oui, c'est oui, c'est oui, c'est bah, oui, c'est vrai. C'est où la caméra? On n'a pas quelqu'un qui fait la langue des signes aussi pour les sourds. Et 4 de ces influenceurs sont parmi nous ce soir. On va commencer les présentations. Honneur. De Royal à la ville. De Royal. Honneur aux demoiselles Vanessa du site champion du digital.fr. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va Vanessa? Ça va très bien. Alors juste bien devant le micro, limite tu le manges le micro, tu... D'accord. Vois, parle bien bien bien, sinon on t'entendra pas. Merci Vanessa d'être avec nous ce soir. Juste, parce que je vais vous le demander à tous, t'as fini combien à la... 7e. Sur combien? 8. Faut pas le dire. 8 ouais. Non. Si, elle peut le dire parce qu'on a le 8e. Si le 8e n'avait pas dernière, été... Hein. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci. On espère que tu vas... C'est ta première, tu nous as dit, c'est ta première complètement émission de radio. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, il y a que des gens sympathiques autour de cette table. À part un qui est un sacré, mais je le dirai pas qui. Okay. avec nous également ce soir, celui qui a réussi à terminer derrière Vanessa. Oui, et ça c'est pas qu'un fantasme. c'est Eric Dagran, notre speaker préféré du FCGB entre autres. Salut Eric, et habitué de cette émission. Pardon, oui, habitué, c'est... Après c'est une question d'argent. C'est chez toi ici. C'est une question de moyens. Là, aujourd'hui, vous avez mis le paquet. Eh bien, je dois reconnaître que c'est un bonheur incroyable, voire incommensurable, d'être avec vous ce soir. Merci Eric, vraiment, d'être avec nous pour cette avant-dernière de la saison. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Tu me passes la coque? Oui, non, c'est vraiment un vrai bonheur. Tiens, le troisième, t'as fini combien, Nando? Premier. Ah bah oui, le premier, le vainqueur, Nando Chachala, bonsoir. Bonsoir. Il vient exprès, bravo, félicitations. Et merci, il vient de son Pays Basque natal exprès pour cette émission. Avec plaisir. Voilà, mais on dira pas Eric combien on t'a donné. C'est pour ça qu'il me parle pas. Merci. Merci à toi, c'est un plaisir. Et puis bon, bah voilà quoi, le premier. Le premier de la première édition. Juste. Oui, c'était la première édition. À jamais le premier de la première édition. Notre. Évidemment, Nando, on peut te retrouver sur Twitter, sur Yahoo Sport aussi, si je dis pas de bêtises. Oui. Et peut-être bientôt dans de nouvelles aventures. Voilà, les gens peut-être qui te suivent découvriront ça très prochainement. C'est ça. Le quatrième, il est connu du monde des supporters bordelais. Ça fait quoi? C'est la troisième, quatrième fois que tu viens maintenant? Troisième fois. Jamais 203. Snacky, il est avec nous. Salut. Salut, bon, Snacky, t'as fini combien? Le FC Chocolatine a fini second. Ah, bah, voilà. On a les deux premiers et les deux derniers, j'ai envie de dire. Voilà. Ah oui, plus, ah oui, alors après, ah oui, Gatchin. Ah, parce que vous êtes compté dans le truc. D'accord, ok. Enzo a fini troisième. C'est bien. Ça, putain, alors on a le top 8, alors en fait, là, non? Non, c'est qui? Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, moi, j'étais pas dedans. Ah, d'accord, tant pour moi. Avec nous également ce soir. Bah ouais, mais j'y étais pas, qu'est-ce que je te dise. Et puis, il y a l'équipe habituelle et traditionnelle de l'émission, Cyril. Salut Cyril. Salut tout le Comment monde. Comment ça va? Parfaitement. Tranquille. Lucas également est avec nous. Ça va mon Lucas? Ça va être la forme? Ferme. Ouais, ça va. Vivement que cette saison se finisse, j'en peux plus. Enzo est également là. Salut mon petit. Il gérera tout ce qui est Twitter, hashtag directja pour... oui, voilà. Hashtag directja pour réagir en direct à l'émission. Sur tout ce qui va se dire. Si vous voulez interpeller nos invités également, allez-y, pas de soucis. Et Adrien également est là, qui lance. Bonsoir. Voilà, bonsoir Adrien, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais il est là. c'est déjà pas mal. Alors, le programme de cette émission, messieurs, mademoiselles. On va commencer par parler de ce qui nous attend demain, avant-dernière journée de championnat de Ligue 1. Le FCGB reçoit le Stade de Reims. avant un déplacement à Caen. On va parler de ce match. Qu'espérez-vous de ce Bordeaux-Reims? On en arrive encore à espérer quelque chose à deux journées de la fin, c'est fou. On parlera également de l'arrêt de l'annonce par Jaroslav Palić, c'était la semaine dernière, de sa retraite sportive et de son... Enfin, ouais, au Girondin, mais bon, à 30, quel âge il a, 37, 38 ans, le pauvre. Je pense qu'à mon avis, le club lui a proposé devrait lui proposer un comment on appelle ça, une reconversion, je cherche le mot. Ça va être très compliqué vendredi soir. Une reconversion, on vous demandera votre avis et puis on essaiera, voilà, si vous avez quelques souvenirs de Yaro sous le maillon des Girondins, un débat mercato et le deuxième débat supporter, comment ramener du monde au stade. Et on fera un petit bilan du Girondins et vous, qui a été la petite opération qui a été lancée par le club. Je pense qu'il y en a certains, voire plusieurs d'entre vous, voire tous, qui ont été peut-être associés à ça. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Il sera 2h15 du matin. Et sous les coups de 2h15, 3h du matin, nous terminerons cette émission. Non, je pense que c'est casable, c'est jouable. Bien, je pense pas avoir oublié quelque chose. Si vous voulez nous... Alors, pas de suite, parce que dans quelques instants, nous allons avoir un invité au téléphone, Geeks Community Manager de Winamax Sport. Donc, comme on peut pas avoir deux personnes en ligne jusqu'à 21h, évitez de nous appeler. Par contre, à partir de 21h jusqu'à 22h, si vous voulez réagir sur un de ces sujets avec nous, pas de soucis, 05 56 35 31 31. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Si c'est le cas, c'est pas bien grave. On va commencer. C'est bien ça, spécialité de Coche. Ouais. mais oui, déjà, faudrait savoir où est Coche. Parce que Coche, t'écris ça comment? C-O-A-C-H. C-O-C-H-E. C'est peut-être portugais. Le nom de l'avant-dernier épisode de Game of Thrones. C'est peut-être une spécialité portugaise, oui. Je sais pas. Ça fait 3 jours qu'il a pas mangé, Eric. D'ailleurs, je... Non. Ah mais c'est, je mange pas. Si tu nous écoutes, on ne mange pas au studio. Non, jamais. Jamais. Tout, mais à l'extérieur. Il n'y aura pas Alors, on va... je suis persuadé d'avoir oublié quelque chose, c'est pas bien grave. On va suivre en direct ce soir. Il n'y a pas une journée de Ligue 2 Si, voilà, dernière journée de Ligue 2. Tous les matchs commencent à 20h45 dans 5-6 minutes. On aura le nom du troisième, puisque les deux premiers, c'est réglé, c'est Brest et... qui c'est qui remonte? Brest et Metz qui remonte. Et Furlan, il signe où alors, Furlan? Eh bien, alors... Ah bon? C'est officiel? Non, c'est pas officiel. Cyril, d'accord, ok. Plus près, s'il te plaît, parce que... Baisse le micro ou baisse la tête, mais... C'est pas officiel. D'accord. Ouais, alors, c'est pourquoi vrai. Tu le dis? Bah, tu vois, c'est bizarre. Moi, je pensais vraiment qu'il allait poursuivre avec Brest en Ligue 1. Il y a une émission de radio et qu'on dit des conneries. Non, mais... par contre, ça va être très tendu pour la descente aussi, puisque je crois que c'est Sochaux, l'AC Ajaccio et Béziers qui se disputent la place pour la survie. Bien, alors, on va commencer, hein, allons-y, feu. Ligue 1, demain, le FCGB reçoit le Stade de Reims. Ligue 1 est pour l'avant-dernière fois de la saison. Attention les oreilles, musique, la musique du stress, la musique de l'angoisse, parce que chaque fois qu'on entend cette musique, on sait qu'on va passer un grand week-end de football. Les Girondins 14e, 38 points, moins 8 à la différence de but, reçoivent le Stade de Reims 9e, 49 points, ils nous mettent 10 points, 11 points dans la tronche, Lier et moi. Moins 6 à la différence de but. Les confrontations, c'est très simple, il y a eu à peine 26 Bordeaux-Reims dans l'histoire, les Girondins sont largement vainqueurs. La dernière victoire de Reims à Bordeaux, est-ce que quelqu'un a la... Hein oui, voilà, il n'y avait pas un piège, c'était l'année dernière, 2 buts à 1. Mais non, pas l'année dernière, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. 2015, pardon. Eh oui, bien joué, bien 2015. J'avais pas vu. La dernière fois, ils sont venus. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que les mecs viennent pas souvent, mais quand ils viennent, ça tombe. Et avant 2015, il faut remonter à 1976, t'as qu'à voir. Hein, 3 buts à 2. Eric, tu commentais. T'étais déjà speaker sur ce match-là ou pas? La spécialité de Coche, mais merci beaucoup à monsieur et madame Coche pour leur cadeau. Bah écoute, on les salue sur le banc de touche. Le Coche, oui, bien joué. C'était facile. Les stats de Reims, messieurs, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 défaites, 2 matchs nuls. Le meilleur buteur à l'extérieur, c'est Rémi Houdin. Et la moyenne de Reims, c'est même pas un but par match à l'extérieur. Le problème, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est Bordeaux à domicile. Et puis ils ont une bonne défense. Exactement. Et Bordeaux à domicile, c'est un nul, une victoire contre Marseille, deux défaites coup sur coup. La dernière face à Angers, c'était il y a deux semaines. Le meilleur buteur à domicile, c'est François Camano avec 8 buts. Et Bordeaux marque à peine plus d'un but. 1,33 buts par match, c'est pas la folie. Qui veut se lancer sur l'analyse de ça? Alors, on n'a pas les groupes, évidemment. Qui veut se lancer sur l'analyse de ce match? Qu'est-ce qu'on en attend? Alors, je suppose qu'on va tous dire, oui, une victoire pour le dernier match de la saison. Ok. Une victoire pour le dernier match de la saison? De la saison à Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux. Ça serait déjà pas si mal. Et bah tiens, allez, honneur à la demoiselle Vanessa. Oui, Cyril. Bah, je dirais, vu la saison qu'on a fait, au moins finir sur une victoire. Avant que voilà, ça va pas mal bouger. De toute façon, au mercato, ça a déjà commencé. Donc, finir sur une victoire et puis voilà, enfin, oublier l'année 2019, quoi. C'est vrai que ça fait un peu. C'est vrai que cette saison, elle en finit plus de finir. Moi, je dirais plus que terminer sur une victoire, c'est faudrait que Souza arrive à affirmer un petit peu ses choix et que ça commence à fonctionner un petit peu, parce que ça fait quand même 5 défaites d'affilée. Alors même si il est pas là pour de suite trouver les bonnes solutions, mais c'est déjà commencé. Avant de trouver une bonne solution, c'est de peut-être trouver une solution. Donc je pense quand même que demain il va falloir que le jeu soit un peu plus offensif, qu'il y ait un peu plus de spectacle et redonner un peu de plaisir aux spectateurs. Ça serait déjà bien. Moi je sais pas quoi dire, je sais pas pourquoi j'y vais en fait. C'était invité. Non mais au stade, tu vois, demain. À la limite là c'est cool. Non mais je sais pas, moi j'attends une victoire et puis pour Yaroplasil, voilà, et puis ensuite on rentre chez nous et on attend l'année prochaine les recrues. Et voilà, et on mange des chocolatines. Évidemment, continue d'en manger. Et Lando, il va nous dire aussi ce qu'il attend demain. Ouais. Lando, vu que tu seras au stade demain. J'y serai pas déjà. Enfin, j'attends une victoire comme tout le monde, mais j'ai pas attendu. Ça fait un petit moment qu'on l'attend, cette victoire. Mais je vais casser l'ambiance, mais je la sens pas du tout, la victoire. Donc je pense que ça va être un vieux nul. Reims, ils finissent petit peu en roue libre aussi. Ouais, parce que nous, on finit super bien. Donc voilà. Donc je pense que ça va faire. On va ouvrir le score. Je vais vous donner le déroulé. Allez, on va ouvrir le score. On va être assez entreprenant et tout ça. Passer la mi-temps, comme d'hab, on va s'endormir et on va se prendre une vieille égalisation toute pourrie sur coup de pied arrêté. Attends, Reims à l'extérieur, c'est seulement entre guillemets 4 victoires, voilà. 9 matchs nuls, 5 défaites. C'est pas non plus un. Non, et ils sont 9e, hein. Mais 8e même. Je répète, on est splendide en cette fin de saison. Donc je pense que ça va être ça. Ils vont faire sortir. Bon, Yaro va jouer, ils vont le faire sortir. Il va y avoir la séquence émotionnelle. Voilà, ça va. Alors, allez, moi je sens même qu'ils vont le sortir à style. Mais à la 70e, dès que la série des piles alcalines, ça sera. C'est ça, clair. Dès que le petit lapin, il aura arrêté de taper sur le tambour. Voilà, c'est ça. Et puis on va avoir truc, tout le monde ouais. Et puis comme on va pas le respecter jusqu'à la fin, on va se prendre une égalisation. Je le sens comme ça et j'espère vraiment me tromper. Ce week-end, il y a deux monstres en termes de matchs joués en Ligue 1 qui arrêtent. Il y a Yaroslav qui annonce. Il y a Yaroslav Halil. Et ce soir, il y a le dernier match, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernier match de Benjamin Nivet qui a 42 ans. Et Balmont, j'ai pas entendu qu'il arrêtait. Balmont, il me semble que si, j'ai pas entendu qu'il a annoncé. Mais il l'avait pas annoncé en début de saison. Je crois qu'il est muté à la section CRS de Lille. En ce moment, il y a besoin. En ce moment, il y a besoin. C'est pour ça. Qui n'a pas Eric? On t'a pas entendu sur le match. Alors d'abord, il y a une formidable finale du Challenge Orange à la mi-temps. Ah, est-ce que t'as les noms des? Alors non, mais je la suis très premier degré. Je pense que pour les jeunes, c'est un vrai moment de plaisir et que si on pouvait éviter de téléphoner quand je parle à l'antenne, hein, parce que je parle, alors tu dis au monsieur qui appelle qui raccroche, hein. Eh ben, tant pis pour lui. Non, plus sérieusement. D'abord, le jambon Coche est magnifique, ça j'aurais quand même le préciser. Donc merci à monsieur et madame Coche une fois de plus. Merci à monsieur et madame Justin Bridoux et voilà. Parce qu'ils font en cité 3 et à Host. Non mais plus sérieusement, vraiment, je pense que demain ce challenge a une importance. Après, je pense que Nando l'a dit parfaitement bien, enfin je l'ai écouté la première phrase parce qu'après je comprenais plus ce qu'il disait, mais je suis assez d'accord avec lui au début. Voilà. Ah oui, ça finit sec en fait. Je suis, voilà, quand il a dit bonsoir, là j'ai adoré. Après, je sais plus ce qu'il a dit. On continue. On sort les gants de boxe. On sort les gants. On sort les gants de boxe. Le dernier debout a gagné. Le dernier debout gagne un deuxième t-shirt. On continue le cours de cette émission, messieurs, avec au téléphone. Voilà, je l'accueille de suite, je retrouve. C'est Giggs, bonsoir, community manager de Winamax Sport. Bonsoir Giggs. Salut les gars, salut à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Girondin Analyse. Bon, c'est la moindre des choses. Hein. Ah, pardon, t'entends pas ? Non, mais moi, c'est pas... Bah, pourtant, le son est monté, donc j'entends pas. Il faut que je parle plus fort peut-être. Bah écoute, non, moi je t'entends bien. Bah Eric, je sais pas, débouche-toi les oreilles, fais quelque chose. Eric sur les oreilles le casque. Ouais, désolé, ce soir c'est un peu, excuse-moi, on est nombreux, c'est un peu la foire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, je croyais que tu voulais me lancer sur quelque chose. Giggs, donc community manager de Winamax Sport. Franchement, je sais, il y a que toi qui fais ou vous êtes plusieurs à gérer le... Non, on est plusieurs. Le compte tourne 7 jours sur 7 et de 10h à 23h, voire minuit. Donc, vous imaginez que j'ai une vie aussi et que je ne fais pas que ça toute la journée. Donc, non, on tourne à 4. J'ai 3 collègues. Si vous êtes donc, très, voilà, très bon quand même. Ouais, on essaye. Après, on a chacun notre type d'humour. Il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous détestent. C'est le jeu. Ah non, cette année quand même. Ouais, moi, j'ai pas Twitter, mais j'arrive à suivre quand même un petit peu ce qui ressort des fois sur Facebook et tout ça. Vous avez eu des bons délires. Alors, je vous dis juste, s'il y en a un qui veut prendre la parole, poser une question, dire quelque chose, vous, voilà, faites-moi un signe, levez la main, dites un truc. Vanessa. C'est quoi votre tweet qui a fait le plus le buzz? Le buzz. Je pense que c'était récemment. Je pense que c'était le tweet avec le massage testiculaire d'Hervé Penaud auprès de Bruno Genesio, qui a provoqué l'indignation de l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est ce tweet-là. Ah bon, on se demande bien pourquoi. Non, ouais, pour la petite histoire, je raconte vite fait si vous voulez pour ceux qui n'ont pas suivi. C'était une vidéo, je crois, qui tournait sur le réseau. Il y a quoi ? C'était, je sais pas combien de temps. C'était il y a quelques mois. Où en fait on voit une dame qui masse le sexe d'un individu, le tout masqué. C'était un ancien reportage d'une émission style Confessions Intimes sur Direct 8 à l'époque. Mais je sais pas, je trouve cet extrait dans ma timeline. Je remercie la personne qui a mis ça sous mes yeux. Et je me suis dit que ça ressemblait étrangement à une belle allégorie des rapports entre Hervé Penaud et Bruno Genesio. Je me suis empressé de re-upload la vidéo en disant que on avait trouvé les coulisses de l'entretien de l'entraîneur lyonnais avec le journaliste de l'équipe. Et donc, bien sûr, ça a provoqué l'indignation générale, pardon, d'abord d'Hervé Penaud, mais ça, on s'y attendait. Et après, on a eu le droit à une masterclass de committee management de la part de l'OL, qui n'a rien trouvé de mieux que de citer le tweet avec la vidéo, donc à ses 3 millions d'abonnés, en disant qu'il s'indignait de ce tweet, et en montrant donc à 3 millions d'abonnés un massage testiculaire qui mêlait leur coach et son journaliste préféré à quelques jours d'un match retour de Ligue des Champions contre Barcelone. Donc c'était quand même assez exceptionnel. J'aurais jamais dû poser cette question. Non, mais est-ce que parce que, alors je sais pas les gars. Bon, alors évidemment vous. Alors autour de la table, je t'explique Giggs rapidement. On a Eric Dagran qui est notre speaker. Je connais. Eric. C'est une lutte sans merci à MPG contre vous tous. J'ai étudié le profil de chacun et au final, ça m'a pas aidé pour conquérir le trône, mais je connais les intervenants. Voilà, c'est hyper chiant. T'es sûr qu'il marche pas ton casque parce que là c'est galère. Mais qui recommence ou prends-en un autre parce que là c'est hyper galère. Alors. Il va falloir que tu répètes tout ce que tu dis parce que Eric il a strictement rien entendu. Salut, excuse-moi, je t'entendais pas alors que j'étais impatient d'avoir ta réponse. Franchement, en trois mots, c'était Josh Maja Ballon d'Or. Voilà, c'est essentiellement le cœur de ma pensée. Bien. Giggs, juste pour info, j'ai demandé aux quatre autres invités présents, il y a Snaky, il y a Nando, Chachalana et il y a Vanessa. T'as fini combien toi à la place du con, quatrième. Ah ben ça va. Voilà, la place du vrai, c'est ouais, milieu, ventre mou. Milieu, toi. Vous nourrissez d'autres ambitions, mais force est de constater qu'il y a eu des gens meilleurs. Bravo à vous. Il nous manque le. Qui était le 5e et le 6e? Ils sont là ou pas ce soir, non? Ah, 6, Cyril, il nous manque que le 5e. Dis donc. C'est qui? Don Amar. Ah oui, Don Amar, pardon, je connais pas. Enfin, deux noms, mais pas perso. Il y a. Juste avant qu'on passe à. Vraiment sur autre chose, il y a. Est-ce que des fois. Avant de tweeter, de poster le tweet, tu te dis ça va un peu loin ou vous avez entre guillemets carte blanche? Alors évidemment dans les limites peut-être de ce qui se fait de légal, évidemment, parce que c'est quand même sous ta responsabilité, tu tweets au nom d'une marque, enfin d'un comment dire, c'est pas en ton nom propre quoi, c'est au nom de Winamax. Il y a des fois tu te dis ouais, là ça va peut-être aller un peu loin, ou vous êtes couvert et vous vous dites allez on balance et ça passe ou pas. Allô? Ah, je l'entends plus. Allô, Giggs? Bon, Brian? Je pense que... Bah non, mais je sais pas, il a disparu. Je sais pas. Ça parle bon, de là, si ça tu parle nous entends, de là, c'est sa coupe. Allô? Voilà. Hop là. Mais c'est pas grave, on va rappeler. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Voilà. Allez, allez. Le temps de remettre la connexion. C'est ça, c'est pour ça que je kiffe le direct, parce que tout peut arriver. Hop. Ouais, Giggs, t'es revenu? Oui, allô? Ah, ça y est, on t'avait perdu. Je sais pas si t'entendais ce que je disais ou pas. Non, j'entendais, j'étais en train de répondre. Non, je disais que, effectivement, comme tu l'as souligné, on a une liberté quasi unique dans le genre. Et c'est un petit peu ce qui est dangereux parfois, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a une liberté quasiment totale, malgré quelques limites légales, comme tu le dis, et tout ce qui est sujet qui peut vraiment heurter la sensibilité côté religieux ou politique, notamment, parce qu'on est, comme tu le dis, une marque et on n'a pas à faire l'apologie de quoi que ce soit. Nous, ça reste de l'humour. Après voilà, on a des esprits parfois un peu noirs, avec des vannes un peu plus obscures, mais on essaye de toujours peser le pour et le contre. Et puis c'est vrai que parfois on se laisse un peu aller, parce que si ça nous fait rire nous, on se dit que c'est que des vannes et c'est que de l'amour, mais c'est perçu différemment. En tout cas, on n'essaye jamais de faire vraiment de mal. On essaye déjà de taper sur tout le monde et puis surtout de bien se marrer. C'est plus facile de taper sur, par exemple, le PSG ou sur une équipe qui galère. Par exemple, Bordeaux, cette année, c'était une cible toute trouvée. Enfin, en tant que supporter bordelais, moi, ça arriverait à un club que j'aime pas ou à un club n'importe lequel. Ou c'est plus facile ou c'est trop facile de taper sur le Paris Saint-Germain parce que c'est même plus drôle au final, je trouve, de taper sur Paris. Ou on... Je sais pas, il y a des équipes comme ça que Lyon, Marseille, c'est... Bah c'est là toute la difficulté de la chose. Il faut savoir qu'on fait à une fréquence de une vanne par heure à peu près toute la semaine. Donc je vous laisse imaginer le nombre de vannes qu'il nous faut produire. Donc à ce moment-là, justement, on accède les leviers, on regarde ce qui se fait dans l'actualité, et après on essaye de créer des running gags. Je pense honnêtement, très honnêtement, que l'équipe qui mange le plus, au global, le club qui mange le plus, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce qu'aussi... Il le charge peut-être un petit peu... Parce que voilà, c'est ce qui est en vogue sur le réseau. C'est aussi parce qu'ils ont un président iconique, qu'ils ont un coach très décrié, et qu'ils ont aussi les fameux running gags sur les pénaltys, etc. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments humoristiques qu'on peut joindre à l'Olympique Lyonnais. Après, il y a le PSG, bien sûr. Le PSG, c'est toujours pareil. Je pense que Paris, c'est une des communautés les plus susceptibles parce qu'ils se voient comme l'excellence, etc. Et au final, de toute façon, on va pas se moquer des performances sportives du PSG en Ligue 1. Donc, c'est toujours un petit peu ce qui entoure l'actualité du club, les égos, les joueurs, etc. Et puis, malheureusement, pour eux, et tant mieux pour nous, ils arrivent toujours à nous offrir de la matière en Ligue des Champions. Et donc là, avec de telles déconvenues historiques, on est obligé de rebondir avec l'humour là-dessus. Après, on a l'OM aussi qui est toujours un gros produit. Il faut savoir, en fait, les gens nous reprochent. Les Lyonnais nous disent qu'on est pro-marseillais, les Marseillais nous disent qu'on est pro-parisien, les Parisiens nous disent qu'on est pro-lyonnais. Au final, en fait, chacun a du mal à rire de son propre club. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on tape plus souvent sur les clubs les plus médiatisés, contrairement, par exemple, à Bordeaux. Mais au final, les Bordelais, quand on leur tape dessus, ils ont vraiment l'impression d'être persécutés aussi. Ah, pourtant, on méritait cette année, quand même. Alors que pourtant, je vais te dire, Bordeaux, c'est un tweet par semaine, limite, sur Bordeaux. Parce que, au final, malheureusement, et je suis le premier à le regretter, c'est presque un club qui est devenu insignifiant au sens national du terme. Je veux dire, nous, on est toujours attachés, moi le premier. Mais au final, faire des vannes sur Bordeaux, ça va agiter que les Bordelais. Et puis, c'est vrai qu'il y a moins d'éléments humoristiques sur Bordeaux, parce que c'est un petit peu plus désolant. Voilà, après. Pourtant, cette année, on a mis le paquet, hein. Rachat du club, 4 entraîneurs. Qu'est-ce qu'il y a là? Une série de je sais pas combien de défaites. Enfin, on a donné ce qu'il fallait quand même pour. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. C'est Eric à l'appareil, le dernier du classement. Enchanté. Ouais. On va les appeler comme ça. Alors, Eric, le 8ème. Vas-y. Si tu peux éviter ce petit sourire narquois, s'il te plaît. Est-ce que aussi. Finalement, vous communiquez en fonction de l'impact que ça peut générer en termes de vues, de likes et de retweets. Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une arrière-pensée d'impact sur votre travail? Franchement. Oui, franchement. Non, franchement, c'est compliqué parce que nous, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a un rythme de vannes à produire. On alterne entre la promotion de code, parce qu'on a un site de paris sportif, des créations visuelles, tout ça. Et on a aussi une fréquence de vannes et on s'impose une vanne, entre guillemets, par heure. Donc, en fait, on se fixe pas de cible ou d'objectif particulier. En fait, on fait une veille sur Twitter, on fait une veille sur les réseaux. On regarde quels éléments peuvent nous permettre de rebondir dessus. Et à partir d'un élément qu'on va trouver drôle ou potentiellement drôle, on va réagir. Donc non, c'est pas vraiment calculé. C'est pour ça aussi que... Est-ce que tu veux dire que ce qui est plus marrant fera forcément le plus de likes? Ou c'est pas lié? T'as un quart d'heure. Allô? Allô. Tu m'as entendu? Ouais, je crois que ça a recoupé, mais vas-y, là, on t'entend. Tu m'as entendu peut-être sur la question? Oui, bien sûr. On a différents types d'humour. On va avoir l'humour qui est un peu plus piquant sur certains. On va avoir l'humour grotesque sur d'autres. Donc en fait, on calcule pas l'impact. Bien sûr que nous, on sait, on arrive à mesurer suivant le thème de la vanne et comment elle est faite, suivant quel support, à l'aide d'une photo, à l'aide d'un dialogue, à l'aide d'une vidéo, quelle portée en termes notamment de retweet elle peut avoir. On sait quelle vanne va être un top tweet, on sait quelle vanne va être peut-être plus confidentielle parce qu'elle va porter sur tel ou tel club, ou peut-être que la vanne est moins bonne aussi, parce qu'on est tout à fait conscient de ce qu'on produit aussi. Et après, on a de bonnes surprises parfois. Donc, mais globalement, c'est vraiment pas calculé. On ne calcule pas à chaque vanne la cible et les retombées que ça peut avoir, en fait. On fait ça pour se marrer, comme beaucoup de tweetos le font, en fait, toute la journée, quoi. J'allais dire, Nando ou Snakil, ou alors, bon, Vanessa, je t'avoue que on va pas se mentir, n'ayant pas Twitter, je sais pas du tout si tu fais dans la vanne ou pas. Mais Snakil ou Nando, quand des fois ça vous arrive de tweeter un truc, peut-être un peu, ouais, n'importe lequel, l'un des deux. Vous, justement, c'est en votre nom propre, et c'est pas justement vous vous représentez à part vous-même, vous représentez pas ni une marque ni voilà, comme Geeks sur Unamax. On dit allez, Benko, on y va, ou... Tu dis Benko, toi? Non, je dis Bingo, mais... Ouais, je dis Bingo, mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Puis, Benko, ouais. Oui. Bon, expression qui n'est plus à la mode, je crois. Alors déjà, je vais saluer. 82, alors déjà, je vais saluer Geeks, c'est Nando. Donc déjà, je voulais le saluer. Et tu m'entends ou non, Geeks? Je t'entends, je voulais pas te couper la parole, non. Mais je te salue. Non, ok, je savais pas, parce qu'on... voilà. Et puis, c'est... Bon, bref. Moi, est-ce que... Je m'auto-censure, entre guillemets, de temps en temps. Je suis pas comme dans la vraie vie. Mais après, c'est pas pareil. Je suppose, enfin, je connais un petit peu comment ça se passe. Et enfin, vous êtes en équipe. Il y a aussi la stimulation qui se fait quand tu es un peu en équipe. Enfin, vous êtes... tu m'arrêtes si je dis des conneries, Geeks. Mais quand t'es en équipe, t'es comme ça, tu travailles, t'as une présence au bureau, donc faire entre guillemets, t'es là, l'émulation se fait naturellement. C'est-à-dire que voilà. Après, je pense que vous avez votre ligne éditoriale, même si vous avez la totale liberté. Mais de toute façon, les mecs qui vous ont choisi savent ce que vous faites à la base. On va dire que c'est le recrutement qui fait le truc. C'est un peu comme moi, quand je bosse sur Yahoo, on m'a jamais dit « tu parles pas de ça, tu parles pas de ça, tu parles pas de ça ». Ils connaissent, normalement, les gars qui vous recrutent, ils connaissent vos limites. Et moi, c'est mon avis. Et en revenant Mais là où tu as tout à fait raison, c'est comme tu dis, nous, on a été recrutés pour un profil. Sans tout ramener à moi, moi, j'ai été approché, j'étais à Grenoble. J'étais étudiant à Grenoble. Et ils m'ont dit « maintenant, tu vas venir sur Paris faire ça ». Parce que eux, ils ont jugé que j'avais cet esprit, ce profil-là. Donc, comme tu le dis, ils savent exactement ce qu'ils veulent et pourquoi ils veulent telle ou telle personne. Après, on reste des humains. Je t'avoue que mon manager, des fois, il me dit « lève un peu le pied sur ça », etc. Mais ça serait malhonnête de leur part de nous blâmer alors qu'on produit ce qu'ils attendent de nous. Donc, je pense que tu as très bien analysé la chose. Et après, en revenant juste sur le sujet des Girondins, quand ils te posaient la question pourquoi on ne vous en parlait pas trop, après, moi, j'ai une analyse toute simple. Ah, déjà, ça, c'est très français, mais très humain. Ce qu'on aime, c'est le mec super bien sapé qui se balade dans la rue, qui se vautre comme une grosse merde. Et, c'est-à-dire que on va vanner plus facilement une belle écurie qui est censée être au top et qui se croûte lamentablement ou voilà, de Bordeaux finalement. Le souci, c'est qu'on n'en attendait rien au départ. Très vite, les résultats ont fait que ça confirmait les non-attentes des gens. Et au final, c'est ce côté-là insignifiant, il est là. Et il n'y a même pas, même quand Bordeaux perd, même moi, je le vois sur mes lives, je pense que je fais quasiment un ou deux tweets, j'ai même pas envie de vanner tellement il y a pas de il y a même pas de trucs, même Pudgy il est bon quoi. même Pudgy, alors je rigole, bon hein, c'est tout, mais même Pudgy pour le coup il sort ses matchs et c'était c'est bon. Alors ouais tranquille. Bonjour Giggs. Voilà, je voulais te poser une question, mais tu as répondu en fait tout à l'heure. C'était sur, c'était sur l'attractivité de Bordeaux, où il a dit effectivement qu'il ressentait un certain désintérêt. Et je peux que confirmer ça, puisque moi également, comme ça les auditeurs pourront le savoir, c'est vrai que j'ai ressenti aussi ce qu'il a ressenti, c'est-à-dire notamment sur ma chaîne qui est très ciblée Girondins de Bordeaux, il y a de moins en moins. C'est pas que les gens s'en foutent, mais il y a un désintérêt parce que c'est même plus en fait, on a envie de se moquer, comme disait Ando, c'est-à-dire qu'on a même plus envie de se moquer. Et les gens, ils en rient moins. D'ailleurs, tu nous disais avant l'émission en antenne que l'année prochaine, t'allais passer plus sur l'Olympique de Marseille. En fait. De quoi mais sur ça, mais après, pour revenir sur Snacky, le truc qui est vraiment différent, c'est qu'en plus, ces derniers temps, il y a une nouvelle catégorie de gens qui arrivent violents comme Eni là où il casse tout. Ouais. C'est vraiment ça devient n'importe quoi sur les vidéos. Oui, Bengouz et très bien comme ça. Après non, Bengouz il fait ça que depuis un moment maintenant et lui à la limite j'avais déjà eu l'occasion un peu de on va dire de plus ou moins d'échanger et c'est vrai que à la limite lui je c'est vraiment un vrai supporter que Mohamed Eni, on est plus dans le côté bon c'est, je vais dire le mot, c'est plus putaclic, c'est à dire que lui il est là pour faire du clic. Mohamed Eni, tu sens que c'est plus joué? Ouais, je pense que c'est surjoué. Je pense que c'est un, plus authentique. Moi voilà, je le sens plus proche de l'OM que Mohamed Eni. Mohamed Eni, il a quand même un talent, on peut pas lui enlever, c'est-à-dire qu'il c'est un acteur. C'est un mec qui capte le, il se pose avec une vidéo qui est toute pourrie, on dirait qu'il a un téléphone tout pourrave mais il a quand même il capte le spectateur et finalement ce rôle là de footix, il fait exprès et il incarne assez bien. Et on en rebondit là-dessus sur le dire qu'un Marseillais, c'est vrai que on a envie de rire sur lui parce que les Marseillais, c'est bon public. La Merci, ça fait rire. Tu vois, c'est ça le truc. On est d'accord. C'est une caricature par lui-même. On en est beaucoup plus dur, par exemple, de faire rire quand t'es bordelais. Tu dis Marseillais, ça fait rire. C'est ça. Tu dis Rudy Carson. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'après, après, chacun y trouve son. Bengouz, il est quand même aujourd'hui sponsorisé par Eurosport. Donc, il est quand même aujourd'hui, enfin, on le voit dans le vocabulaire, il y a des mots qu'il s'interdit, qui s'autorisaient avant. Avant, bien sûr. Donc, il gomme son langage, enfin, il le polie aussi en adéquation avec le sponsor qui lui permet d'aller au stade et puis de vivre, finalement. Donc, ce qui induit bien que quand il y a aussi une notion pécuniaire, c'est plus pareil. Ton attitude n'est plus la même, forcément. C'est plus pareil. Je pense que c'est la seule chose sérieuse que je vais dire maintenant. Donc je vais à nouveau parler du saucisson spécialité de Coche et je passe à Vanessa. Alors Vanessa, et après on passe. Oui, j'allais dire, du coup, tu demandais si tout le monde peut utiliser l'humour sur sa ligne éditoriale, enfin dans ses tweets. Nando, par exemple, c'est sa spécialité. Enfin, il arrive à faire ça facilement. C'est aussi de la créativité. Mais c'est le talent, c'est ça. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est plus difficile, par exemple, pour les Girondins, de les vanner sur des tweets parce qu'il y a peut-être moins de réactions et les gens, ils sont dans une période où il y a plus de frustration, donc c'est plus difficile. Après, c'est sûr que on le voit si on regarde pas par rapport aux personnes mais plus par rapport au club, c'est par exemple le club de Toulouse qui a lancé l'humour sur Twitter au départ. Ils étaient très très bons, fausse conférence de presse avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué, mais c'était juste génial. Et ensuite il y a d'autres clubs qui s'y sont mis, par exemple Nîmes, Guingamp, etc. Et les Girondins, ils y sont mis, mais aussi parce qu'ils ont recruté aussi Claude Pez. Mais après voilà, ça dépend aussi de la situation du club. Des fois c'est plus difficile d'utiliser des gifs, de vanner, surtout quand c'est le compte club prof. Mais surtout quand Depréville se met à bien jouer au foot. Alors on va Giggs, juste avant qu'on te prenne à l'antenne, on était sur un match qui va passionner tout le monde. Excuse-moi, tu réagis même pas sur Momo Eni, Giggs. Putain. Mais justement, j'écoutais quel moment et j'allais te remercier quand même de ton intervention. Ah pourquoi ? Vous avez fait le parallèle entre Bengouz et Mohamed Eni. Et moi, je pense quand même qu'il y a une grosse, grosse différence de talent entre les deux. J'ai bien aimé l'intervention de Nando parce que c'est vrai que quand on regarde le mec exploser des télés, etc., on se dit que ça transpire pas l'intelligence. Ça, je vous l'accorde. Mais il faudrait aussi, il faut comprendre que Mohamed Eni, toute la journée, il fait des stories sur Snap. Toute la journée, chaque jour. Et moi, ça entoure amené à moi, comme je vous dis, je suis payé pour faire des blagues 5 jours sur 7. Et je sais ô combien c'est difficile de le faire aussi régulièrement. Lui, tous les jours, il fait des stories très drôles, enfin que je juge très drôles, sur Snapchat, et il faut se rendre compte du talent du mec pour capter tous ces petits éléments du quotidien et les rendre drôles. Il a livré des masterclass sur les gilets jaunes, là actuellement sur le Ramadan, avant les matchs, c'est-à-dire qu'il s'exporte du cadre purement sportif, et il y a un vrai talent, là où je pense que Ben Gousse fait quelque chose que tout le monde peut faire. Il incarne son personnage un petit peu fada, mais à côté de ça, Ben Gousse est incapable de capter une audience et de faire rire autre chose qu'en explosant son frigo et en traitant mon vieil fada. Putain, Cyril, tu veux pas le faire, ça? Et je pense que honnêtement Mohamed Hennis est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Et en fait, moi, c'est l'humour Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, quand il fait ses spectacles et qu'il dit je me suis basé sur, au supermarché, on a tous connu ça. C'est l'humour sociétaire de base ou avec des éléments de la vie quotidienne. Ouais, mais alors Mohamed Hennis, il a pompé sur qui Mais le truc, c'est que finalement, il s'est inventé ses propres arcs humoristiques. Et c'est ça qui est impressionnant dans la création, et c'est pour ça que je rejoins Nando sur son analyse. La création, elle est tout autre. Ben Gousse ne crée rien. Mohamed Hennis, je trouve qu'il crée énormément de choses. Et juste pour finir sur le débat sur le rapport de Bordeaux, il y a aussi, il faut le savoir, et je suis désolé, et heureusement, il y a Nando autour de cette table, il y en a d'autres aussi, je sais que vous aimez bien l'humour, même AGA, mais il faut savoir que Bordeaux, de mon expérience, c'est l'une des communautés qui sait le moins rire de son club sur Internet. Ça, on moi, est bien d'accord. J'ai beaucoup de mal avec, entre guillemets, la masse bordelaise. Il y a nous et Lyon. On est deux. Toujours. Mais Lyon, c'est, ils sont tellement nombreux. C'est une secte. Toute une partie avec énormément de second degré. Ceux qui sont retournés contre le coach et tout ça, à tort ou à raison. Mais Lyon, ils ont des leaders aussi d'influence sur Twitter qui donnent un second degré. Nous, on en a longtemps manqué. Heureusement qu'il y avait Claude Pez, vous en avez parlé, et je le salue aussi parce qu'il a beaucoup apporté à notre communauté. Sur le comité de Bordelais, j'entends, sur Twitter. Heureusement qu'il était là, parce qu'à l'époque, c'était presque le seul. Alors ensuite, il y en a eu d'autres, il y a eu Nando, et aujourd'hui, il y a Snaky, tout ça. Mais c'est important aussi d'avoir des mecs qui donnent un ton second degré à un mouvement, parce qu'au final, on a une grosse masse de rageux, et souvent, les Bordelais, je trouve, qui pensent que le football doit quelque chose à Bordeaux, c'est-à-dire que et le monde du football doit quelque chose à Bordeaux, et ce côté Bordeaux, c'est une institution, on peut pas la chambrer, on peut pas en rigoler, ça j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que Bordeaux, malheureusement, c'est pas plus une institution que Saint-Etienne, que Marseille ou que d'autres. On peut rire de tout, et on peut pas se dire le mythique FCGB qui est un monument qui est en train de mourir, doit être épargné, doit être soutenu dans sa reconstruction, etc. Au final, ça fait 10 ans qu'on se fait chier, on va se le dire, et il y a bien des éléments à en rire, et on l'a vu notamment avec le compte Out of Context Girondin, qui est très drôle, je vous le conseille. Alors, un événement demain qui prêtera sûrement pas à moquerie, mais plutôt peut-être à émotion, puisque demain, donc, Bordeaux-Reims, ça sera sûrement, enfin, c'est pas sûrement, c'est le dernier match de Jaroslav Plazil à Bordeaux, alors, le dernier à Bordeaux, puisqu'il fera peut-être sûrement un petit... petite apparition à Caen pour le dernier, vraiment dernier match de sa carrière, oui, Cyril. Ou ça se trouve, il finit à Bordeaux, oui, demain contre Reims, peut-être. Jaroplasil, messieurs, j'en finira avec les pronos sur Reims tout à l'heure, hein, c'est pas bien méchant. Jaroplasil, donc, c'est mine de rien, je fais le total. Avec les Girondins Bordeaux, 365 matchs, mais pour 20 buts, dis donc, je pensais pas qu'il avait marqué autant. Évidemment, hein, sur 10 ans, ça fait 2 buts par an, mais c'est pas lourd, mais quand même. Mais bon, 20 buts. Le nombre de frappes feuilles mortes qu'il a mis avec une vitesse moyenne de 20 km/h. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est 20 buts pour 850 tentatives, à peu près. Mais 20 buts, 365 matchs avec les Girondins, 165 avec l'AS Monaco. Je vous compte pas les 60 avec Osasuna et les 28 avec Catane lors de son prêt en 2013-2014. C'est plus d'une centaine de matchs, 103 matchs exactement avec la République tchèque, c'est 10 ans, 9 ans, puisqu'il y fait une saison donc en prêt à Catane il y a 6 ans de ça. Si je vous demande, alors je vais être très honnête avec vous, franchement, perso, demain, ça va pas me bouleverser plus que ça, si tu veux. Autant ça m'a bouleversé quand c'était la dernière de Paoletta, enfin de mec, je dis pas que... De Planus. Par exemple, je dis pas que, voilà, infini respect pour que... Tout ce que Jaroplasil a, pour le nombre de matchs qu'il a fait, surtout en plus, il est tombé dans une période, il a connu heureusement un peu l'épopée quand même, Ligue des Champions, machin, tout ça, et la Coupe de France, mais il s'est quand même tapé, voilà, les années un peu, lui et comme d'autres, hein. Il n'est pas le seul, mais voilà, 365 matchs, respect, maintenant, on va pas se mentir, franchement, ça fait quand même 2-3 ans que c'était quand même compliqué pour Yarrow. Même en étant compliqué, tu vois que physiquement, il est peut-être en dessous au niveau de la vivacité, de la vélocité. En termes d'expérience et de vécu, tu sens qu'il est essentiel dans ce groupe-là, notamment surtout la saison dernière. La saison dernière où ça a vraiment galéré, avant que Poyet arrive et tout. C'était tu sentais vraiment que Plasil tenait un petit peu le vestiaire quoi, et c'était et je pense que voilà, c'est quand même, on perd quand même un monsieur parce que je pense que c'était on le juge mal à Plasil en fait. Moi je le vois vraiment comme un leader et comme un gagneur, et c'est chose qu'on n'a plus à Bordeaux quoi. C'est vraiment ce style de caractère, on le voit plus. Moi je vois surtout des joueurs comme Sankaré, comme trucs comme ça, qui c'est pas grave, on perd un match la semaine prochaine. Alors que Plasil, tu sens vraiment que c'est un des derniers à être touché par une défaite. Cyril, sur un terrain, Plasil, je l'ai jamais vu. C'était pas Pavon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le gars. Allez, on ramote les troupes, on vient, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Il a jamais vraiment. Moi, c'est pas mon avis. Moi, je pense que c'est un des derniers à vraiment rager quand il perd. Après Plasil, c'est pas le même tempérament que Pavon non plus. C'est un mec qui était un leader. Je pense plus justement, c'est. Plus de vestiaire aussi, moi, les échos que j'en ai eu, c'était c'est un gars vraiment écouté dans le vestiaire. Il y a des mecs, ils ont pas besoin de faire des grands discours pour être écoutés. Et je pense que niveau implication dans le groupe, c'est un gars qui est irréprochable. Après, moi je suis comme toi, je te dis pas que je vais être bouleversé. Après, c'est peut-être une vieille tradition, mais un gars qui a joué 10 ans quasiment au club. Au bout du compte, il a toujours eu des recrutés, il a toujours joué avec différents entraîneurs, c'est qu'il avait certaines qualités, il a eu des belles années chez nous. C'est vrai que les 2-3 dernières années n'étaient pas terribles, mais on a eu des à un moment donné. On n'en a pas fait autant pour gars comme Jussier, par exemple, qui est resté autant de temps. Ouais, autant de temps, mais combien un nombre de matchs. Il était blessé. C'était chaque fois notre nouvelle recrue de Jean-Louis Trio qui nous disait « Ah, on recrute pas cette année, on a un retour de blessure de Jussier. » Et Jussier, c'était un formidable joueur, comme Maurice Belay. C'était des formidables Maurice joueurs. Maurice Belay aussi. Mais voilà, mais tu peux pas les mettre au même niveau qu'un Plasil. Plasil, c'est une régularité, c'est un nombre de matchs. Et il a été capitaine. Et un mec qui a été 10 ans dans un club avec, 6 coachs différents, 6-7 coachs différents, et qui a fait autant de matchs, c'est que ça a de la valeur et ça mérite quand même du respect. Voilà. Sur qui veut réagir sur Plasil, Snakil, Vanessa, Eric, Giggs. Merci Snakil. Non, juste dire que. T'as prévu un petit truc demain, honnête. Il y a quelque chose de prévu. Tu vas pas nous le dire. Je peux pas vous en parler parce que je ne le sais pas. D'accord. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans la tonalité de ma voix. S'il est titu ou s'il rentre, vous pouvez compter sur moi pour qu'on sente qu'il y a quand même, c'est quand même un grand monsieur du foot. D'abord parce que il faut pas oublier que ce bonhomme-là était international et que rien que parce qu'il a été international, c'est déjà une stature qui dépasse le cadre du simple joueur de club. Et puis il faut pas oublier que même quand il y avait des tempêtes, c'est un gars qui bougeait pas. C'est-à-dire que il prenait pas la parole pour critiquer quoi que ce soit. Il a été toujours respectueux de l'institution. Et en 2018 ou en 2019, c'est une période où c'est tellement facile de baver sur son club, d'être, tu vois, de pas être d'accord avec ce qui se fait. Et quand bien même il le fut, il ne disait rien. Il était, je crois, profondément concentré sur le travail qui était le sien. Et si on devait faire un parallèle avec d'autres joueurs, je pense que certains devraient s'inspirer de la classe, parce que je pense que ce gars-là a de la classe. Voilà. Et ça, la classe, ça s'achète pas. C'est inné. Et je pense qu'il en est pourvu. C'est tout pour moi. Snakil. Alors juste, j'ai la réponse sur Jussier, c'est 250 matchs avec Bordeaux, 45 buts. Snakil. Après, je pourrais même poste. Pour résumer un peu ce qui a été dit, c'est ça, c'est quelqu'un d'intègre. Pour moi, je le vois un peu comme un papa en fait, un papa, une sorte de grand frère d'une époque qui est malheureusement révolue. Après, pour sa défense, il a pas joué au Girondin dans la meilleure des périodes. C'est une question aussi, c'est voir de la chance ou pas. Hein. Il est tombé dans cette mauvaise période. Ça a peut-être un petit peu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il aura peut-être pas l'hommage qu'il mériterait. Après, je suis d'accord avec toi. Je crois que quand tu disais que c'était peut-être pas sur le terrain, pour moi, c'est pas forcément un leader. Visuellement, pour moi, c'est pas un leader sur le terrain. C'est plus un papa. C'est plus un un grand frère de vestiaire. Je le vois pas comme parce que comme tu dis Nando, c'est pas le mec que tu vas voir gueuler. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'impression que ça a été un un leader sur le terrain. Il est quelqu'un, ça a l'air sûrement quelqu'un de très gentil. Pour moi, c'est pas, après, c'est pas la légende, c'est pas Giresse, mais pour tout ce qu'il a fait, pour quelqu'un qui est resté 10 ans aux Girondins, on doit lui dire au revoir comme il le mérite, et ça reste quand même un joueur du club. C'est un joueur des Girondins. Giggs. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, tout a été dit, Eric a donné un bel hommage. Moi, comme honnêtement, pareil que vous, je vais pas être particulièrement touché ou ému. Je note juste que c'était le dernier rescapé du titre de 2009 et de nos dernières années glorieuses. Donc c'est plus de ce côté-là où je me dis, ouais, on en est là, et finalement, cette époque-là, elle est derrière nous. Après, si ça peut symboliser le début d'un nouveau cycle, pourquoi pas. Mais je suis plus sur un simple merci, et puis voilà, c'est un joueur, comme vous l'avez dit, qui était plutôt élégant, et puis un homme qui a été apprécié de tous, qui a jamais fait de vagues, qui avait un esprit conquérant sans toutefois être un leader. Donc voilà, juste merci à lui, et je lui souhaite une bonne continuation pour la suite. Vanessa, sur Yaro. Moi je suis assez d'accord, enfin, moi j'ai pas ressenti que c'était un leader sur le terrain, mais plus dans le vestiaire, enfin, le gars est quand même resté... un paquet d'années au club, donc il a été fidèle au club, donc déjà il mérite le respect pour ça. Mais après, c'est sûr que sur le terrain, on le voyait pas forcément. Après, quand il y a eu besoin qu'il soit là, il a été là aussi, donc voilà. J'étais juste à préciser. Peu d'accord avec tout le monde, quoi. J'étais juste à préciser que si un jour vous allez, si vous aviez eu la chance d'aller au Hayan voir les jeux d'entraînement et compagnie, voir les réactions de Plasil quand il perdait un jeu, et vous voyez les réactions des autres, vous sentez qu'il y en a un qui est vraiment un gagneur et puis l'autre qui ne l'est pas. Et Plasil, c'était vraiment quelqu'un qui aime gagner. Et des joueurs comme ça à Bordeaux, malheureusement, il n'y en a plus. Et il y avait Carasso, il y avait Plasil, et ces joueurs de cette trempe-là, mais malheureusement, il n'y en a plus au Girondins de Bordeaux. On ne le voyait plus sur le terrain avec Carasso, par exemple. Enzo, pour terminer sur Yaro, après on passera... C'est l'image que je retiens de Plasil, c'est comme dit Cyril, c'est à l'entraînement. Tu regardes juste, là, je suis allé récemment à l'entraînement, quand c'était férié, là, je ne sais plus, c'était le 8 mai ou le 1er mai. Tu regardes l'entraînement, déjà, il fait le relais entre les entraîneurs et les joueurs, parce qu'il a la chance déjà de parler plusieurs langues. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est génial pour ça. Et tu vois clairement qu'il arrive... Vous êtes horrible, c'est horrible. Vas-y, continue. Vas-y, enchaîne. Et donc tu vois clairement que Plasil, déjà, c'est un relais pour les entraîneurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut potentiellement avoir une place intéressante dans le club. Et après, mais ouais, ces entraînements, tu regardes, le mec à 38 ans, il te tape des accélérations partout. Il le fait pas forcément en match, ça c'est dommage. Mais à l'entraînement, il est à fond, toujours à fond. Et c'est quelque chose, enfin c'est génial quand tu vas voir un entraînement et que tu vois des joueurs qui sont à fond tout le temps. C'est agréable. Lucas, et après on passe à la suite. Tu vois, tout à l'heure, on demandait qu'est-ce qu'on attendait d'un match comme Bordeaux-Reims. Mais en fait, on a tellement rien à attendre de Bordeaux cette saison. Oui, c'est peut-être le seul truc. Voilà, que c'est peut-être le seul truc que j'en attends, en fait. Parce que, en soi, dire que Plasil est un grand joueur du FC Girondins de Bordeaux, peut-être pas. J'ai juste envie de dire que c'est un grand joueur du football tout court. C'est-à-dire que c'est un joueur, comme on disait la semaine dernière, comme il y en a plus, c'est un grand professionnel. Tous les entraîneurs par lesquels. Qui ont eu Jaroslav Plasil dans son effectif l'ont confirmé, c'est un grand professionnel, c'est un grand joueur de football, c'est un bon milieu de terrain. Puis à Monaco, attention, pardon, je te coupe, mais à Monaco, il a fait aussi deux matchs. Il fait partie de l'équipe de 2004 qui va en finale de Ligue des Champions. Attends, c'est pas une équipe en bois hein, dans laquelle il est titulé. Hein, il a pas forcément, tu vois. Il n'a pas eu la carrière qu'il mérite, c'est ça qui est... C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le plus beau palmarès, mais ça reste un bon joueur quand même. Il a quand même, on l'a dit, il a quand même 103 sélections avec la République tchèque. C'est quand même un sacré, parce qu'il y a des bons petits joueurs aussi dans l'équipe tchèque. Et il a commencé avec les Poborski, les Prozinecki, non? Ouais. Non, Prozinecki. Non, c'était avant. Prozinecki, c'est la Croatie, tu sais. Petrecet, non? Ah ouais. Petrecet, Milan Baros. Mais il a commencé avec les mecs qui nous avaient tapé à l'Euro 96. Comment s'appelait le grand attaquant chauve qui allait à Monaco là? Kohler. T'avais Poborski, Nedved. Il a été là et il a même été capitaine de certains matchs alors qu'il y avait Nedved qui était là. Exactement. Il a fait partie quand même des super années de Monaco avec la génération Morientes, Roten, Dujoux, etc. C'est plus pour ça qu'on va se souvenir de Plasil, pas forcément de ce qu'il a fait au FC Girondins de Bordeaux, parce que bon, c'était peut-être pas forcément super belles années, Mais il a quand même eu, il a quand même des stats qui sont pas mal pour lui. Il a quand même plus de 400, voire peut-être 500 matchs toute sa carrière. Oui, là, et il doit être à 500 cumulés. Ouais. C'est tout ce que j'attends d'un match comme Mondorin, c'est qu'on rende un hommage à un grand joueur qui le mérite vraiment. On a posé la question. Bah ouais, Eric, ça va être à toi de nous faire verser la larmichette demain. Fais-nous chialer. Non, mais là vraiment parce que je sens que vous êtes pas. Le problème c'est que cette table là, je suis le seul à être sérieux et je trouve ça un tout petit peu dommage. Voilà, parce que ça rigole, ça ricane même, là, à ma droite, là. Ça pense qu'à bouffer les saucissons, je trouve ça un tout petit peu limite. Alors, oui, vraiment, non, mais vraiment pour Yaroslav, là, vraiment, en une minute, en une phrase, parce que ça dit vraiment n'importe quoi. Là, je sais pas, ce monsieur Nando qui me met la main sur la cuisse, je sais pas du tout pourquoi. Et vraiment, demain, il faut vraiment. Non, mais enlève-la, ou alors paye. Non, mais vraiment, demain, il faut que. Il faut, voilà. C'est tout, pas ma main. Ben, dis donc. C'est ça l'odeur. Et donc vraiment, vraiment, moi en l'occurrence dans la voix, je ferai en sorte pour qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un véritable hommage parce qu'il le mérite. Merci Eric. On a. Merci. Je vais chercher le jambon. Ben moi je vais partir comme Plazil, donc je vais vous saluer tous. Ben, ça... Merci de la. Geek, tu viens quand tu veux, hein, au Girondin. Mais vous savez que je viens assez régulièrement quand même. Là, moi, je pouvais pas venir ce week-end, mais en tout cas au plaisir de vous croiser. Ben, viens donner le coup d'envoi. Viens donner le coup d'envoi la prochaine fois. Mais de toute façon, j'envisage fortement de former un duo d'attaque avec Josh Maja. Donc, là, je vais essayer de perdre un petit peu le petit bidou que j'ai pris cet été. Et je vais revenir conquérant pour la saison prochaine. Parce que de toute façon, moi, je vous ai dit, je suis plus supporter des journaux, je suis supporter de Josh Maja. Je me suis uniquement raccroché à ce crack qui sera, je vous le dis, Ballon d'Or 2026. Donc voilà, c'était essentiellement pour ça que j'ai accepté l'invitation aussi, pour lancer la propagande. Et je sais qu'il y a des gourmets autour de la table qui en font pas. Tu vois qu'on peut commencer à lancer un espèce de vieux, tu sais, un espèce de vieux buzz, tu sais, genre comme il y avait eu Diabaté, tu sais, la photo de Diabaté avec le Ballon d'Or. On peut lancer un espèce de truc genre Maja Ballon d'Or 2026. Ça peut le faire, mais, si ça marche, les gars. Ne me tentez pas, j'ai beaucoup de temps devant moi. Allez. Bah en tout cas, Geeks, avec plaisir si tu passes sur Bordeaux prochainement. Oui, viens voir le soleil, ça va changer un peu. Viens voir le soleil et puis bah écoute, si t'es dispo à venir dans l'émission en studio faire une émission, ça sera avec grand plaisir. Par contre, il va falloir amener des petites brunes bronzées, je crois. Alors ça, on verra si on a assez de sous, mais si on a assez d'argent. Merci vraiment Geeks d'avoir passé cette partie d'émission avec nous. Bonne continuation, continue à nous régaler sur Winamax et puis allez, on va quand même espérer que t'aies raison pour Maja, ça serait bon signe pour Bordeaux. Allô ? Ah ça y est, je crois qu'on l'a reperdu. Bon, c'est pas grave. Merci Geek, je sais pas si tu nous entends, mais en tout cas merci à toi. Bonne fin de soirée, ciao. On va continuer messieurs avec Enzo. Enzo, on avait demandé aux gens sur Twitter de nous faire partager quelques leur souvenirs ou leur petit truc sur Aeroplasil. Qu'est-ce que tu as retenu rapidement, mon petit Enzo? Alors, on vous a demandé sur Facebook, sur Twitter également, quels souvenirs vous laisse Aeroplasil au Girondin. Donc, vous avez été plusieurs à nous donner vos souvenirs de Yaro. Donc, il y en a pour beaucoup, ça revient souvent quand il a joué 10 à la place de Gourcuff contre la Juve en 2009. Ça, c'est un des plus gros souvenirs. Ouais, c'est un des souvenirs qui revient énormément. Il y a également aussi la fois où il est. C'est bien ça, la frappe contre Lyon, le but qu'il met en pleine lucarne contre Lyon, ça c'est un but aussi que beaucoup ont donné. Et après, t'as beaucoup de gens qui vont mettre comme quoi Plazil était un joueur respectueux, un grand joueur des Girondins, un joueur aimé. Ah, surtout, il était disponible. Il y a pas mal de gens aussi sur Facebook qui ont répondu ça. C'est-à-dire, c'est souvent des souvenirs avec des enfants, avec. Le prenez pas mal quand je dis ça. Mais voilà, il donne beaucoup de mains, il a donné des maillots, il a donné beaucoup de temps pour les signatures. C'était vraiment un professionnel. Voilà, donc demain, 10 ans de carrière au Girondin, voilà, je vais trouver le mot, qui vont se terminer pour Aeroplasil. Allez, s'il pouvait y avoir la victoire, ça serait quand même plutôt un bon petit truc pour lui. En parlant de victoire, on va terminer quand même ce qu'on avait commencé avant de passer à la suite, c'est-à-dire... Le prono. Le prono de Bordeaux-Reims. Qui dit prono dit jingle. C'est parti. Quel est votre pronostic? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, honneur aux demoiselles. Vanessa, demain, boucherie ou pas boucherie? 1-1. Ah oui, donc mini boucherie. Bien ennuyeux. Eric. Moi, l'Argel m'interdit de donner un pronostic. Ah oui, c'est vrai. Donc ah oui. Je, ah bah oui, je, c'est vrai, du coup. Bah oui, je ne communiquerai pas sur le 3-0 que je souhaite. Non, mais je sais les cas. Non, mais c'est, non, mais sérieusement, t'as le droit ou t'as pas le droit Tu sais quoi Non, même de miser tout ça, tu peux pas. Je pense que je peux pas. D'accord. Je pense. Mais bon, j'espère quand même, bien évidemment, une victoire. Après, sa saison MPG vaut mieux pour lui qui paraît pas. Alors. On l'attaque, mais alors gratuit. Alors, 21h, voilà, 21h26. Voilà. Je me lève. C'est totalement gratuit. Et je vous dis, au revoir. Oh, l'attaque, mais gratuite, frontale. Nando. Je l'ai donné en début d'émission. Oui, pour moi, c'est un partout. Et puis voilà, je pense que ça sera. Snakil. Moi, c'était soit on perd 1-0, soit on fait 1-1. Je pensais vraiment ça. Bah, donc, on voilà. va partir sur 1 alors. On va dire sur un comme Nando. Parce que non mais j'ai. Pardon. Oui non vas-y. C'est un kill. Vas-y. Moi je vois bien une victoire. Vas-y termine. Simplement parce que on a rien à jouer. Excuse. En face ils ont rien à jouer. Et je pense vraiment que Souza, en ayant vu la communication du club, je pense vraiment que ouais c'est ça. Je pense vraiment que ouais oui. Je pense qu'il va arriver à motiver des joueurs face à une équipe qui sera pas du tout motivée donc. Tu sais je fais juste une parenthèse. Tu parlais de Souza quand. J'ai rencontré Paoletta il y a une dizaine de jours là au Stade de France. Je lui demandais vraiment ce qu'il pensait de lui et enfin on était que tous les deux donc il n'y avait pas la volonté toi de communiquer sur le. Il m'a dit si on donne un peu les moyens à cet homme-là, il a une telle connaissance du foot qu'il fera de ce club quelque chose. Donc je pense vraiment que je souhaite que le club ait trouvé celui qui va nous permettre de retrouver le sourire et que quand on est sur une logique de pronostic, on soit pas à être aussi triste. La joie Snakil, j'ai l'impression que le pont de pierre est fermé et qu'il pensait passer par. Snakil, le bonnet est en berne. Le pire, c'est que, franchement, pour ceux qui me connaissent, j'ai tout le temps quelqu'un d'optimiste. Mais alors, cette saison, j'avoue, j'ai. Elle a fait mal. La Garonne a débordé. Elle a débordé. Et tu fais un peu Jamiroquai comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un peu. Ouais. J'ai les cheveux. C'est pourquoi j'ai mis un bonnet. J'ai mis un bonnet parce que mes cheveux sont tellement longs. On dirait Mohamed Denis. Non, mais vraiment, je te jure, c'est pour ça, j'ai mis un bonnet. C'est pas un compliment, ça. Hein. Mais c'est pour ça. Donc, du coup. Faut que tu prennes 20 ou 30 kilos aussi, quand même. Ouais, mais ça, c'est en cours aussi. Mais en fait, 40 ou 50. En fait, on dirait pas comme ça, mais les 30 kilos, je les ai. On devrait faire une photo de groupe à la fin de la cheveux longs. Lucas, ton pronom, t'as pas entendu ? 1-0 pour Reims. Ah oui, carrément. Alors, toi, Lucas, c'est, si c'est pour toi, dire c'est ça, Lucas, tu fais comme moi, tu t'en vas. Apocalypse total, terminé, on finit sur une défaite à la maison. Et après tout, on est, comme disait je sais pas, Cyril Tal, on est sur 5-6 défaites d'affilée. 5. Une de plus c'est ou rare. Une de moins, j'ai envie de vous dire. Ça sera pas bien grave. On avait quoi sur. Moi, j'ai une annonce à faire. Ah oui, l'annonce, voilà, c'est ça que donc, je cherchais. Cyril. Le 1er juin, il y a un match caritatif qui se passe à Pessac, donc entre Pessac et les Black Star. Donc Black Star, c'est. C'est une équipe où il y a plusieurs sportifs qui vont venir pour aider une association qui aide les jeunes de quartier à Pessac pour leur apprendre et leur inculquer des valeurs de sport et de travail, etc. etc. Donc, venez nombreux à ce match-là. T'as le stade ou pas ? C'est ouais. Pessac, mais c'est quoi le stade ? C'est à Cap de Bosse, donc ça sera le 1er juin à 15h, donc au Palais des Sports de Romainville. Donc l'entrée sera 5 euros, donc c'est important. Nous on relira et puis on samedi, vous invite donc à venir, Eric et Snakil, Vanessa. C'est le 1er juin. C'est juste le jour de la finale de Ligue des Champions. Ouais, mais l'après-midi, d'accord. C'est à 15h. Comme non, ça, tu auras le temps de prendre l'avion. Ah, mais tu vas là-bas. Non, on s'en fout, je suis à Paris. Et juste pour vous dire quand même, parce que breaking news, Tours relégué en National 2. Alors, j'allais faire un point. Oui, c'est quand même, c'est Tours, c'était un club quand même qui ça fait quelques années. Ils le sont, ils étaient en Ligue 2. Ben, ils le sont, oui. Alors, bah tiens, point rapide. Et tiens, point rapide. Oh, il n'y a pas des gros scores en Ligue 2 quand même ce soir. C'est la mi-temps quasiment sur tous les terrains. Qu'est-ce qu'on a dans les matchs un peu chauds? Béziers est en train de taper 3-0. Nancy avec un but. Ah oui, alors celui-là. Mehdi Mostefa, messieurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mehdi Mostefa. Ah, oui. A marqué pour Béziers. Joueur de Lorient, Ajaccio, Marseille. Avec exactement. Sochaux en très. Ah putain, Sochaux mène 1-0 face à Grenoble. Et qui a marqué? Johan Molo. Olivier Verdon a marqué pour le FC Sochaux et pour l'instant Sochaux est 18ème. Et là c'est Ajaccio qui joue contre 3ème et Ajaccio 16ème, 0-0 pour l'instant. On va continuer à suivre ça en direct, tout à fait, en fil rouge. Excuse-moi, oui. T'as dit comment ça se passait pour lancer Lorient ? Lens mène 2 buts à 1 à la maison face à Orléans. Et Lorient, c'est un partout à l'extérieur, c'est au Havre. Ça, pour l'instant, ça suffit pas. Il reste. Bah non, ils sont 6e et c'est. Non, mais c'est une histoire de différence de but, je crois. Lens est 5e, le Paris FC 4e mène 1-0 face au Gazélec Ajaccio. Et Auxerre, le club de Mancini, mène 1-0. Mais bon, Auxerre est 15e, n'a quasiment plus rien à jouer. Oui, Vanessa, je voulais, oui, je voulais juste dire un petit point social média. Les Girondins, ils viennent de lancer un concours sympa sur Instagram pour les 100 000 abonnés. Et c'est plutôt créatif. Donc, allez voir leur story, c'est plutôt sympa. Il faut sympa. Faire quoi? Juste parce que j'ai pas Instagram. Et que... Il faut regarder leur dernier post avec la vidéo sur les 100 000 abonnés. Et regardez bien. Tout d'accord. Ce que j'ai à dire. Eh bien, ok, pas de soucis. Regardez très bien. Ça, enfin, pour ceux qui ont Instagram. Oh là, ça veut dire qu'il y a un indice caché dans le fait que tu insistes pour qu'on regarde bien, non? C'est à peu près ça. Voilà. Ouais, t'as vu cet esprit de déduction. Sherlock Holmes est là. Alors, messieurs, Reims c'est fait, Yarrow c'est fait. Débat. On va enchaîner. Pour vous. Je préfère les collants. Oui. Voilà. Pour vous préciser, avant que j'oublie, et ça, j'y pense, vendredi prochain. La dernière journée, le multiplex, c'est vendredi soir. Eh ben, on sera là, en studio, en direct, et on suivra avec vous le multiplex. On aura deux équipes, une équipe qui suivra le match spécifique des Girondins, une équipe qui suivra le multiplex. On réagira en direct, on vivra la montée, la descente, le barrage, la troisième place, la Coupe d'Europe. Et évidemment, juste après le multiplex, l'antenne sera ouverte pour réagir en direct sur le match, sur la saison, sur tout ce que vous voulez. On n'aura pas trop de limites vendredi prochain. Mais on sera bien en direct à. Alors, du coup, pas à 20h30, peut-être un petit peu plus. C'est quelle heure? C'est 21h les matchs? Vendredi? 21h? Ouais, donc 20h30, on sera là pour suivre tout ça en direct. On va enchaîner, messieurs. Débat mercato. Débat mercato. Excusez-moi, est-ce que je peux rappeler que vendredi prochain, il y a quand même France-Thaïlande à Orléans, match préparatoire pour la Coupe du Monde féminine qui se déroule en France. Et justement, on voilà, je voulais juste faire un aparté. Mais t'as raison, Et j'aurai le plaisir de vous appeler depuis là-bas. Ah bah avec grand plaisir. Voilà. Et on parlera des filles aussi dans cette émission avant la fin de l'émission. On va parler si on peut avoir Viviane assis au micro, on se prévoit. Ah, si pas. Tu peux nous faire ça vendredi, c'est avec grand plaisir. Ah voilà, oui, ou Amandine, tu nous avais régalé avec Alou Diarra, je me rappelle, en direct. Ouais. Je sais plus, c'était du Haïan, je sais plus trop où. Je sais plus où on est. À New York ou Singapour. Ou non, c'était. Ah oui, avec Nino, sa Belgique aussi. Ouais, c'était à ce nom. Bon, enfin, c'était bien. Alors, débat mercato. Jingle, et on enchaîne. Il s'agit du transfert le plus important. Allez, Bordeaux! Drogba. Thuram? Non, moi je sais, Makelele. Beckenbauer. Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, on va pas parler de tennis. On va parler de transfert. Donc, qui vendre, qui prêter, qui garder, qui libérer. Petite info qui est. Petite info donc sur le site, notre site partenaire Girondin 33. C'est Emeric qui nous a retransmis ça. C'est dans l'article du jour de Sud-Ouest. L'article confirme que Zaïdou Youssouf, 19 ans, en contrat jusqu'en juin 2020, pourrait prolonger, mais aussi le renouvellement de l'effectif est en cours avec notamment des arrivées et des départs. Donc, ce qui est quasiment acté, c'est Igor Vletchou qui est en fin de contrat, ne sera pas reconduit. Yarrow Plasil, on vient d'en parler, évidemment, out, au revoir. Yann Caramo et Andreas Cornelius repartiront dans leur club respectif, à savoir l'Inter Milan. Et c'était en Italie, je crois, pour... Atalanta, voilà. Est-ce que tu peux juste rapprocher le micro? Atalanta. Voilà, merci. Qui a perdu la finale de la Coupe d'Italie. Qui a perdu la finale de la Coupe d'Italie 2-0 face à la Lazio, c'était avant-hier ou je sais plus quand. Pas de nouvelles pour l'instant pour Sergi Palencia, qui est prêté. Moi, j'espère de tout cœur qu'on va faire les efforts pour ce garçon, mais visiblement... Mais voilà. Justement, tu remarqueras que cette semaine, Girondin Info a communiqué sur Caramo et Cornelius, mais absolument pas sur Palencia. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas complètement mort. Parce mais que sinon, il l'aurait annoncé aussi. C'est ce que je me suis aussi. Dit aussi, honnêtement. Ça va dépendre surtout de l'avenir de Youssouf Sabali, qui déjà voulait plus ou moins se barrer l'année dernière. Ça n'a pas pu se faire à cause d'une visite médicale. Il faut qu'il se barre, Youssouf. Je pense aussi. Je pense que 5 ans, c'est très bien. Oui, et puis voilà. C'est surtout que... Voilà. Moi, je pense que là, c'est plus le même. C'est déjà plus le même. J'ai Eric qui me regarde dans les yeux à peu près à 1 cm. Et j'ai le bisou sur le front. Et ça te fait quelque chose. Ouais, ça me fait quelque chose. On a des potentiels. Pablo Castro, François Camano. Voilà. Camano, on sait que lui aussi, en janvier, il était prêt à partir à Monaco, ça n'a pas pu se faire. Bernardoni, Voilà, lui veut une place de numéro 1. Bordeaux aimerait lui proposer un deal, mais lui, de son côté, apparemment, il serait plus chaud pour être titulaire number 1 dans une équipe et rien d'autre. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que personne, absolument personne, n'est intransférable, sauf deux cadres d'expérience et deux leaders de vestiaire. Et ça, c'est quasi acté. C'est Benoît Costil, qui a grandement répété ces derniers temps qu'il croyait au projet et qu'il voulait rester là et qu'il pourrait même prolonger, nous apprend Sud-Ouest. Et Jimmy Briand, qui mine de rien a fait le taf cette saison. Alors on le savait plus ou moins quand il est arrivé, c'est pas une surprise, il fait toujours le taf, Jimmy Briand. Voilà, donc hormis Benoît Costil et Jimmy Briand, messieurs, mademoiselles, le chantier est ouvert. Qui veut commencer à faire un petit peu son petit remaniement, à nous dire qui il aimerait voir partir, qui il aimerait voir rester, pas forcément qui il aimerait voir arriver, parce que sinon on va peut-être s'étaler un peu trop, mais déjà au moins, qu'est-ce qu'on change? Tiens Vanessa, qui tu veux voir partir, qui tu veux voir rester? J'ai surtout un truc à dire, c'est que le plus important, c'est qu'il recrute au moins deux stars, enfin deux footballeurs qui vont vraiment donner envie en fait aux gens de venir au stade. Et quel qu'il soit, il faut vraiment qu'il mise sur deux personnalités, deux bons footballeurs, mais qu'il y ait une bonne image aussi pour le club. Parce qu'au final, on peut faire tout le marketing qu'on veut. S'il n'y a pas, des stars, c'est difficile de faire venir les gens au stade aussi. Vous qui êtes dans ça, dans le marketing, un petit peu dans l'image et compagnie, est-ce qu'un joueur sans vraiment image faite, mais bon joueur, c'est moins important pour les Américains qu'un joueur peut-être un peu moins bon footballistiquement, mais qui a une bonne image dans les médias ? Il faut les deux, en fait. Il te faut une équipe avec des joueurs évidemment bons, mais il te faut absolument, et c'est une nécessité, Bordeaux ne peut pas aujourd'hui avoir une équipe sans au moins une star qui a, comme tu dis, une bonne image. Pour moi, c'est primordial, et je sais et je pense, et de toute façon, ça, tout le monde le sait plus ou moins, que les Girondins cherchent à avoir un nom pour porter Giroud, le... Voilà, on parlait de Giroud, mais là, malheureusement, je crois qu'il va... Chelsea va lever l'option. Juste, donc, excusez-moi, parce que j'ai complètement oublié. On va continuer. On a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui. C'est, excuse-moi, c'est ton prénom ? Alexandre. Ah, salut, Alexandre, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, à Vanessa. Est-ce que t'as amené quelque chose à manger, Alexandre ? Pourquoi pas, attendez, je crois qu'on a un dos. J'ai entendu bonsoir à Vanessa, surtout. Ah. Oui, c'est la seule fille de l'émission. Ah, c'est gentil, merci. C'est un petit malin, Alex, t'as vu ? Direct, il y a une fille, pouf, il arrive, bonsoir, et surtout à Vanessa. Bon, Alexandre, qu'est-ce que t'espères pour cet été, pour ce mercato ? Je sais pas si t'as entendu ce qu'on a dit en préambule, donc Costil et Briand sont jugés intransférables, on garde deux cadres, et pour le reste, apparemment, tout est ouvert. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qui t'aimerait voir partir ? À quoi tu t'attends ? Est-ce que tu as envie de voir des stars ou pas forcément, si tu juges que c'est pas nécessaire, dis-nous. Moi je pense que déjà garder Nicolas Depréville, qui a fait peut-être une deuxième partie de saison un peu meilleure que la première, ça sera le plus évident à garder, parce qu'il a la niaque, il a envie de se battre sur le terrain, sur tous les fronts, donc je pense plus qu'il faut le garder. Dans le profil qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si tu as écouté l'émission depuis le début, quand on parlait de Yaro Plasil, d'un gars qui se bat, qui machin, qui la serein, Depréville est complètement dans ce cadre-là. Dans ce registre-là, oui. Ah oui, il est complètement là-dedans, oui. Donc, moi, j'avais fait aussi une petite liste de joueurs qu'on pourrait peut-être recruter, mais je sais pas, j'ai fait ma petite liste avant l'émission un peu. Alors, c'est quoi que tu appelles petite ? Il y a combien de noms dessus ? Ils sont tous championnat de France de Ligue 1, surtout. Donc. Ah, vas-y, cite-nous en quelques-uns, là, 4-5, qu'on voit ce que t'as... J'ai pensé à Rémi Houdin. Qui sera contre nous demain soir. Ouais. Max-Alain Gradel, Jeff Adelaide. Ouais, de Rennes. Gradel qui a annoncé, enfin, qui s'est plus ou moins un petit peu mis aussi son club... Adelaide, c'est Adelaide. Angers. Angers, proche de Rennes. Oui, Angers. Angers, oui. International Espoir. International Espoir. Après, au milieu, j'ai pensé à Savagnier, Rongier. Ça aussi. Après, bon, peut-être un peu plus cher, Malansart en latéral. Donc, Ouais, Rongier, je pense qu'il ira viser un petit peu plus haut. Je pense que Tégis Savagnier, avant de le bouger de Nîmes, je pense que. Ouh, méfie-toi. Je pense qu'il va bouger. mais il bougera pas, pour le club intermédiaire, quoi. Ça va être très cher. Ça va être très cher. Et est-ce que on n'aura pas des fonds illimités? Est-ce que on va aller poser, parce qu'un club comme Nîmes va vouloir 20 millions pour Savagnier, c'est le maître à jouer. Est-ce qu'on va aller poser 20 millions sur un Savagnier, entre guillemets, qui n'est pas un nom, on parle du nom, hein, et on parle dans la tête des Américains. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Non, mais on parle de la tête, on parle dans la tête des Américains. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, j'en suis pas persuadé. Ouais, franchement, si t'as une équipe Nîmes, typiquement Strasbourg n'a pas de nom et ils font une très bonne saison. Oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir une star pour moi, faire par exemple, saison. Tout à l'heure, on en parlait. Est-ce qu'il faut une star? Moi, c'est simple. Moi, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quel est l'objectif? Pour l'instant, on n'a pas eu d'Agrossa concrètement, là, à part le premier discours, tout ça. Il nous a pas dit, moi, je veux qu'on soit dans les six premiers pendant un truc, ou je veux qu'on ait la Ligue des Champions direct. Le message, c'est quoi? Moi, perso, ça fait 10 ans qu'on, je vais pas dire qu'on mange de la merde, mais qu'on en mange pas mal. Et moi, je suis prêt à attendre, et je pense que le public bordelais peut attendre, mais les Américains, je ne suis pas sûr qu'ils puissent attendre. Mais moi, si on me dit, c'est un projet sur 5 ans, on vise première partie de tableau avec à chaque fois un mec qui vient. Alors, si on peut avoir une star, on ne s'en privera pas. Mais je préfère avoir des mecs de profil, justement, comme des Savagnier. Je te rejoins, c'est Alexandre, c'est ça ? Donc je te rejoins sur des profils comme ça, des joueurs aguerris. Et à la rigueur, on met un ou deux paris du réseau, parce qu'il y a des réseaux d'agents avec Souza, avec Varela, avec voilà, donc avec Massia, bon, c'est, on fait quelques paris, mais moi je pense que il faut pas rêver, on va pas rentrer dans le club des trois comme ça. Oui, c'est on ça, en craquant des doigts en disant allez, on se fait une équipe pas. Et tout de suite ça va marcher, quoi. On n'y sera pas. Et entre guillemets, quand on a chopé un titre, on a toujours eu un mec qui a travaillé en amont. On oublie souvent, Ricardo. On n'a pas bouffé des super matchs, mais on s'est retrouvé, voilà, un titre, pas le titre de champion, mais d'abord il a fait deuxième, Laurent Blanc, la première saison. Il a fait deuxième, voilà. Avec Jean-Micou. Et voilà. Mais je veux dire, il faut avoir cette patience-là. Et donc, moi, je suis prêt. Alors, tu me demandes. Exemple également pour Bob aussi. Hein. Mais oui. Parce qu'en 97, il arrive en 80, oui, 97, ouais, ou l'année d'avant. Ouais. Courbis, et puis, il arrive après Courbis. Au tout début, c'est Guy Stéphane aussi, qui se fait sortir au bout de deux matchs avec. Grâce à son adjoint. Voilà. Et il se fait sortir, et d'ailleurs, on a le magnifique Stanley Menzo. Et heureusement qu'il a été à chier, sinon on n'aurait jamais eu Ulrich Ramé. C'est vrai. Moi, je pensais faire plus que le club puisse faire un peu comme l'Atlético Madrid, un peu dans ce style où il y avait des joueurs qui sont un peu plus battants et gagnants sur le terrain ou qui ne lâchent pas sur le terrain. Ce type-là d'équipe que je voudrais voir, quoi, sur Bordeaux. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que c'est jouable. Le problème, c'est que c'est institutionnel dans le club. On n'est pas un club qui, ça, pour le coup, c'est le poids de l'histoire. Il fait vachement. L'Atlético Madrid a toujours vécu dans l'ombre du Real. Voilà. Et c'est vrai, j'ai des gestes obscènes là, c'est franchement désolé Alexandre, donc ils ont toujours vécu dans l'ombre, c'est les colchoneros, les matelassiers, et donc c'est pas la belle le club du roi, c'est pas ça. Mais le problème de Bordeaux ça a plutôt été la bourgeoise, que donc pourquoi pas, c'est pas dans la culture du club, mais alors là pour le coup ça se fait pas. Ça se fait pas en claquant des doigts en disant tiens, on recrute, voilà, 15 types, donc, et on je pense que le message pour moi il est pas assez clair au départ. On ne sait pas où on veut aller, on dirait qu'on balance des noms pour que les supporters disent ouais, les enfants, il y a quand même un truc que si l'information de Sud-Ouest est bonne, il y a quand même un truc qui est une révolution absolue et qu'on n'a pas vu depuis, si je dis pas de bêtises, 96, après la finale perdue contre le Bayern. C'est que si l'info est vraie, y a quand même un truc énorme, c'est actuellement, on ne garde que deux mecs sur combien ? Allez, évidemment, je compte pas Adli, Maja. Tu as pas 20, 35 joueurs. Non, mais 37 voilà. joueurs pro plus sous contrat, je crois, plus 7 ou 8. Je compte les évidences. Les jeunes vont rester, évidemment. Chouameni non, mais va clairement, rester. Mais par contre, tu risques de te retrouver avec une quinzaine de départs, une quinzaine, vingtaine de départs pour une dizaine de recrues. C'est du jamais vu depuis 97. Donc, voilà ce que j'allais te dire avec Courbis. Et c'est Courbis qui arrive. Et les tout le monde est parti, à part Tolo, Grenet. Ils étaient deux, je crois. Tolo, Grenet. On a même eu. On en parlait, je ne sais plus avec. C'est comme le célèbre, le superbe joueur que l'on a eu, qui a fait une saison chez nous et qui est parti faire 4 ans à Chelsea derrière, Bernard Lambourde. Et lui, quand même, la seule fois que j'avais entendu Lambourde, parler de Lambourde, c'est quand j'ai fait ma terrasse en bois chez moi. Et voilà. Ibrahim Bas, cette année-là aussi. Ibouba. Non, mais on a eu des gars. Louis Gomis. Bon, il y avait Romain Ferrier. Bon, Louis Gomis, encore, il a eu sa petite carrière après à Nice et tout. Vite fait. Très vite fait. Romain Ferrier un peu plus, il est un peu plus duré, mais bon, on a eu pas mal de gars qui sont arrivés et c'était ouais. Est-ce qu'on peut parler de David Sommeil? Le pauvre, oui, comment est-ce qu'on peut parler de David Sommeil, qui était un joueur. T'as des nouvelles de David Sommeil? Non, mais je commence à m'endormir, je pensais à lui, c'était un petit message. Bah on le salue le pauvre, c'est en espérant qu'il aille mieux. Oui, parce qu'il était pas très bien. Et pas très très en forme. Mais c'était un formidable joueur, qui était à Rennes, qui était au Girondins, enfin voilà, excellent défenseur, équipe de France aussi, il a fait quelques Certain qu'il ait joué en équipe de France. Au moins les jeunes. J'ai un doute. Non, moi j'en ai pas. Après, il a été à Manchester City aussi. Oui. En espoir, oui, mais chez Léa. Mais je pense qu'il fait. Je veux pas dire, mais je pense qu'il fait par contre l'équipe de Guadeloupe et de Martinique. Je pense qu'il est. Ils avaient fait avec. Avec Faubert et. Avec Coridon et tout ça là. Ils avaient fait. Charles-Édouard Coridon. Le but. Faubert, joueur du Real Madrid quand même. Ouais. Numéro 10. Bah, c'est là que tu vois. Qu'il a un bon agent. Non, mais si tu as la progression, c'est Girondin Real. Je sais même pas, c'est pas une régression de. Oui, mais j'allais dire, peut-on dire que c'est vraiment une progression? Pas du tout chauvin, tu sais. Lucas. Non, juste pour revenir sur l'information de Sud-Ouest, je pense qu'il faut pas comprendre que justement il y a que Costil et Briand qui sont intransférables, des petits jeunes comme Aurélien Tchouaméni, Yacine Adli. Ouais, non mais j'ai dit sans compter Adli, Maja, forcément ils viennent d'arriver. Zaidou, Tchouaméni, même si. Non mais je pense que c'est pertinent. Bon. Je crois que c'est pertinent ce qui vient d'être dit et je voudrais qu'on l'entende parce que là quand même il est voilà. Merci. Ton fond sérieux et ton soutien tout au long. Allô, si tu m'écoutes. Vas-y. Non mais par exemple des petits jeunes comme ça qui peuvent te ramener de la. Tu peux pas dire ça, Lucas. Non, je déconne. Vas-y. J'ai même pas fini par parler. Ouais, mais Lucas, si tu le dis, dis-le d'une telle manière à ce qu'on y croit. Hein, parce que là, si tu veux, on a l'impression d'être sur Arte à 23h. Ça devient terriblement ennuyeux. Je te rappelle que c'est toi, Speaker. Il y a que toi qui as cet avant-là. Vas-y, le chauffe pas trop quand même. On pourrait y ennuyer. Non, mais Aurélien Tchouaméni, par exemple, Yacine Adli, ou même Josh Maja, ou quoi que ce soit, c'est des joueurs. Même Jovanovic, par exemple, qui a 21 ans seulement. Qui a que 23 ans. Ou même des petits Belanova qui peuvent progresser encore, te ramener pas mal de valeur ajoutée. Je pense que c'est des joueurs qui sont également intransférables que n'ont pas ces Sud-Ouest. Après. En plus. Mais quand tu dis intransférable, après c'est une question économique là aussi. C'est-à-dire que moi je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vraiment, je bois vos paroles. Mais si un club arrive et met hypothétiquement, alors que Znaki est en train de niquer le paquet de Kinder et qu'il met 30 patates sur un des joueurs des Girondins, tu te doutes bien que la logique voudra que le club se plie au désiderata du client. Et on les deux copines du chef parce qu'ils sont en train de bouffer, ils peuvent parler. Non mais sérieusement, vous avez noté que Jules Koundé n'est pas cité dans les intransférables. J'espère qu'il va rester. Tous les joueurs ont un prix à un moment donné. Oui, on est d'accord. À un moment donné. Oui, parce que Costil et Briand, c'est facile de dire intransférable. Ils ont 30 et 31 ans. Non, mais même, ils ont 30 et 31 ans. Pas d'offre, oui, ils sont plus près de la fin que du début. Tu te les gardes encore un an ou deux pour justement amener cette expérience et ce truc-là, comme un peu le faire avec Yaro, avec ce que fait Yaro, accompagner les jeunes. C'est facile de le dire sur eux. Comme tu dis, Cyril, t'as raison. Tout joueur a un prix. Si demain t'as un club qui vient qui met 50 bâtons ou Eric, s'il y a un club qui vient qui met 50 bâtons sur Koundé, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le débat sur Bernardoni, il est là. Aujourd'hui, t'as un gardien qui est international espoir, qui a des sollicitations d'à peu près partout en France, peut-être même à l'étranger. Et vous avez Costil qui est un ancien gardien international français, certes. Mais qui a pas d'offre, qui a pas de contact. Même Rennes, il préfère Bernardoni que Costil. Ah, mais ça, t'en sais rien, à moins que tu sois dans les négociations, J'ai quand même une idée entre son salaire et puis tout ça. Je pense qu'il y a aussi tout un. tout un raisonnement. Vaut mieux investir sur un gardien de 21 ans qui est international espoir, qui a fin de match et compagnie, plutôt qu'un joueur qui est un petit peu installé. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Un club qui montera d'ici 2-3 ans, quand Castille en aura 33-34, qui a un jeune club, imaginons, tout peut arriver dans le football. Imagine Sochaux ou Orléans montent en Ligue 1. Orléans et Sochaux vont se positionner sur un gardien comme Benoît Costil qui est en fin de carrière, qui a justement été international, qui a pas mal de matchs d'expérience, ouais, et qui vont pas non plus. Bordeaux n'en demandera pas forcément. Aujourd'hui Sochaux et je sais plus quel club tu m'as dit. Orléans, ils montent en Ligue 1, ils vont voir le salaire de Costil et puis ils vont tourner la page. qui on a pas entendu sur ça, Vanessa Snakil, si, non, Eric on t'a pas, si, je on va parler des féminines, ouais, voilà, j'allais dire, non, mais si. je suis en train de il me semblait qu'on avait oublié quelqu'un. Je suis en train de voir si on peut pas avoir quelqu'un de très connu au téléphone dans quelques instants. Avec grand plaisir. Non, parce que on voulait parler des féminines parce que Vanessa, justement, alors avant, Alex. Oui. Pour terminer sur les transferts, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais? Personne m'a parlé de Robert. Je ne comprends pas ça. Que personne ne me parle de Robert Berich. Comment on ne peut pas aller chercher ce mec? Ça me dépasse totalement. Mais de toute façon, Berich, le mec est remplaçant. À chaque fois qu'il rentre, il claque. Mais non, je ne comprends pas. Mais de toute façon, Sébastien, tu as besoin de quelqu'un à quasiment tous les postes. T'en as besoin à gauche, latéral gauche, t'en as besoin dans l'axe, t'en as besoin latéral droit, t'as besoin d'un ailier, t'as besoin d'un milieu de terrain et t'as besoin d'un attaquant. Et honnêtement, quand tu as une politique de mercato comme a pu affirmer, il me semble que je sais plus si c'est Varela qui avait dit ça, mais il me semble que c'est lui dans la presse qui avait dit qu'il voulait recruter des joueurs d'expérience. Honnêtement, tu me prends Robert Berich pour jouer en pointe d'attaque aux côtés de Jimmy Briand, je suis pas sûr que je sois très ravi d'accueillir Robert Berich. C'est pas que ça, c'est surtout ton attaquant, ça va être ta tête d'affiche de ton mercato. Donc forcément, t'as déjà Jimmy Briand qui va être, on va dire, le remplaçant parfait pour l'année prochaine. Donc si tu cherches un attaquant, ça va être le mec qui va être vraiment qui va représenter ton mercato. Donc un Berich, ça a pas forcément le niveau que tu peux attendre. Oui, mais sauf que il y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc un Berich, je suis désolé pour le championnat de France et deux coupes nationales, si tant est qu'on se fasse pas sortir en 8e en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, c'est largement suffisant pour jouer un match par semaine. Après, t'as quand même plus intéressant en termes d'attaquant que Robert Berich qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Ouais, peut-être. Moi je pensais plus à un gars comme, bon, c'est pas trop pour le dénigrer, mais à Andy Delors, je sais pas ce que vous en pensez à peu près. Du coup, c'est l'image du joueur. Ouais, perso, franchement, il est international maintenant, il va louper les matchs. International algérien, il va prendre de la valeur. Enfin, il a pas joué encore. Hein. Ils ont dit il est international, il a pas joué un seul match. Je pense que devant, ils ont pas grand monde, tu vois. Et Kazri Delors, le petit. Ah non, il est tunisien, Kazri. Ouais, c'est ça. C'est bien essayé. Mais j'étais pas loin. Reprends Twix. Après, je voulais réagir surtout sur les prix des transferts de certains joueurs de l'équipe de Bordeaux. Alexandre. Oui. Tu veux un petit Kinder ou... Non, merci, c'est bon. Bien. Ouais, Alex, rapidement, et après on passe à la suite. Tout simplement, je voulais réagir par rapport au prix des transferts qui sont annoncés sur Camano, Jules Koundé et Pablo. Ouais, toi aussi, ça t'a fait rigoler, c'est ça? Ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Pablo, surtout 20 millions ou 20... C'est un peu, je trouve, exagéré sur le prix. Mais c'est normal, en fait. Enfin, c'est normal, c'est la mode actuelle. D'ailleurs, t'annonces un prix, mais tu sais très bien qu'il va partir pour la moitié, quoi. Oui. C'est pas dit. Après, Alex. S'il va être blessé, là, il va partir avec. Non, mais alors, moi, je te dis honnêtement, tu m'annonces 25 Camano, j'ai une offre à 10 millions, je mais tremble. Mais, là, les gars, de Camano, ton nom, Cyril, Cyril, tant qu'il y a des pigeons pour payer. On serait bête de pas tenter, tant qu'il y a des pigeons qui payent. Ouais, alors, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, peut-être. Je fais le Eric Dupont-Moretti, s'il le faut. D'abord, parce que j'ai un devoir de réserve, donc moi, je jugerai pas les joueurs comme vous le faites, et c'est normal que vous puissiez le faire, mais moi, vous vous doutez bien que je peux que garder le silence. En revanche, quand vous parlez d'une somme d'argent, et que vous parlez de Camano, par exemple, faut pas oublier et pas avoir la mémoire courte qu'il y a quelques mois, c'était un joueur qu'on ne voulait pas vendre, même à 20 millions, voire à 25, on tordait du nez, parce qu'il marquait but sur but, et qu'aujourd'hui, parce qu'il est dans une période un peu plus délicate, finalement, le retournement de veste est une spécialité à GIA. On est d'accord, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un discours sérieux. On les aime les joueurs. Cyril, moi j'ai toujours dit que Camano était dégueulasse, depuis le début. On aime les joueurs des Girondins de Bordeaux. Bordeaux. Non, mais on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la valeur, elle fluctue en fonction de l'actualité. Malheureusement, et de, toi, tu as un devoir de réserve, comme tu le dis. Et, non, non, mais au-delà de ça, intrinsèquement, est-ce qu'on est bien d'accord que la valeur d'un joueur, elle fluctue en fonction. Origi, aujourd'hui, il vaut deux fois plus cher que ce qu'il valait il y a 15 jours. Bon, on est bien d'accord que c'est un match ou un événement qui va déclencher Lucas quelque chose. Lucas Moura, hein. Lucas Moura, Eric, à un moment donné, nous, on y est au stade et on voit. Et si nous on le voit, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'un recruteur ne puisse pas voir le comportement de certains joueurs sur le terrain. Alors après qu'on dise... Mais je suis d'accord, mais l'idée de stigmatiser juste Camano parce qu'il est dans une période creuse, c'est, je pense qu'il faut niveler le niveau sur l'année, tu vois. Parce que si, au moment où il devait partir, entre guillemets, à Monaco... Moi, j'étais content qu'il reste, par exemple. Tu vois, et au-delà du fait que c'est un garçon gentil, aimable et que je crois qu'il a du talent, il y a des éléments qui doivent aussi rendre en considération pour juger de la valeur du joueur. Et puis voilà, c'est typiquement une histoire de timing aussi, parce que Camano, quand arrive l'offre la plus intéressante à un moment de Monaco, c'est parce qu'ils sont le bec dans l'eau, ils se retrouvent au 20 août sans personne devant, tac, tac, et ils me posent ça. Nous, on... Et puis, je pense aussi, on se dit, ben, c'est vrai qu'il sort d'un... Et lui, il a été, c'est sûr, déçu de ce non-transfert. Voilà. Mais c'est une histoire de timing, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Il y a des gars qui sont surpayés quand tu vois qu'un mec comme Mitroglou, il a acheté combien 30 millions au paillettes, 40 patates millions. À 550 millions, euros par mois, s'il te plaît. Mais bon, Payet encore, il est international, mais c'est très cher payé. Je veux dire, t'es 30 millions, un mec de 30 ans, c'était très cher payé. Mais même un Mitroglou, dernier jour de Mercato, 15 millions. Tout est déraisonné complètement. C'est, voilà, c'est là, c'est quoi. Les panic buy, comme on appelle ça. C'est les panic buy de fin de Mercato. Et c'est vrai que je pense que l'idée... Après, est-ce que ça aurait été au alors, bout pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, les achats, on va appeler ça les achats... Compulsifs de dernière minute. Les achats de panique un peu, genre t'es perdu vite, il nous combien faut... Combien d'Osmanovski pour un Paoletta, quoi. Et voilà, c'est ça. Par exemple. Le meilleur panic buy de l'histoire, une fois je l'ai tweeté, c'est Paoletta, quoi. Minimum le quart. Est-ce que c'est un panic buy ou est-ce que c'est l'aboutissement tu le voulais vraiment puis tu l'as c'est un panic buy. C'est Valdano qui le propose à Camporo le jour même. Exactement. Là, pour le coup, c'est un panic buy. On était en panique, on n'avait pas notre attaquant. Et voilà. Et par contre, on a accepté de signer un gars qui, il était à l'époque quand même dans la grande équipe. À la Corogne. Mais la grande équipe de la Corogne. Hein, on parle de la Corogne qui. Oui, mais Macaille sur le banc quand même. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas une trompette. Avec le portugais, comment s'appelait-il ce blond avec. Nuno Gomes Nuno Gomes et l'autre là. Ah, l'autre, oui. Abel Xavier. Non, mais là, c'était encore avec Tristan, Diego Tristan. C'était avant, et Matkai, Walter Pandiani, ils avaient une équipe Pandiani. Du feu de Dieu. C'était la génération juste après Bebeto et compagnie. C'est l'équipe qui va retourner Paris, qui fait le fameux comeback où Paris mène 2 ou 3-0 et ils font 4-3. Là, ils avaient la Corogne jusqu'en 2003-2004, ça fait partie du top 5 espagnol, mais largement. Et donc, Paoletta est remplaçant là-bas, certes, à la fin. Et puis voilà, mais ça a été, ils ont eu le nez creux d'aller. Ils ont eu le nez creux. Complètement. Allez, on va passer au dernier sujet. Alex, tu veux rester avec nous ? On va parler des filles ou non, pas ? Non, Alex, si t'as le temps, tu amènes des Twix, s'il te plaît, et tu viens à la radio. Si tu veux rester avec nous pour parler des filles, sinon on te libère, comme tu veux, t'as le choix. Non, je vais vous laisser tranquille un peu. Ça va, tu t'ennuies avec nous. Non, je vais faire un petit coucou avant de vous quitter. Vas-y. Je souhaite faire un coucou à l'équipe des In Handisport de futsal. Écoute, on les salue et puis je sais pas, c'est une équipe dont tu fais partie ? Oui, je suis un ancien joueur de l'équipe de futsal. D'accord, ok. Et écoute, on leur souhaite. C'est la fin de saison là aussi pour l'équipe. Oui, en fait, ils ont juste une Coupe de France dans l'année. Ils préparent pas. Ils auront un championnat l'année prochaine, donc. D'accord. Écoute, on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Voilà. Merci Alexandre. Bonne ciao, soirée. Bonne soirée. Et allez Bordeaux. Il m'a pété le deuxième tympan. Eric, tu sais que. Tu sais ce qu'on va faire ? Je termine toujours l'émission en disant rendez-vous, merci de nous avoir dit, et allez Bordeaux. Ce que je te propose ce soir, c'est que allez Bordeaux, gentil. Ça s'entend qu'il le fasse. J'ai un peu de pudeur, tu sais, je suis quand même toujours dans la retenue. Allez, pour terminer cette émission, honneur aux demoiselles. Puisque vous le savez, le match amical contre la Thaïlande, 21 jours avant le début de la Coupe du Monde féminine en France, s'il vous plaît. En France, oui, mais pas à Bordeaux, ça c'est con. Et ni à Toulouse. Donc si vous êtes dans la région que vous voulez voir, je crois que c'est Rennes, non, c'est Montpellier. Ouais, Montpellier le plus près, t'as qu'à voir. Bordeaux n'a pas candidaté aussi. Oui, alors faut dire non, aussi que la mairie et SBS ne sont pas candidatés à Bordeaux. Par contre, ils ont candidaté pour la Coupe du Monde des robots qu'on va avoir. Ça, je voulais juste préciser cette grosse information. Je l'ai entendu ça dans la semaine. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en plus, ils ont retardé la candidature des villes en espérant que Bordeaux candidate. S'y mettre. Il y a eu plusieurs fois des appels du pied pour que Bordeaux participe à cette Coupe du Monde. C'est assez. Et Alain Juppé n'a jamais voulu. Alors, surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a qu'à Bordeaux que tu pourras avoir des trucs Paris. On vous rappelle qu'il y a une Bordelaise quand même dans cette équipe, et pas des moindres, c'est Viviane Asseyi. Viviane Asseyi, je vais y arriver. Qui va, espérons-le, avoir quand même du temps de jeu. J'espère qu'elle va pouvoir jouer des petits bouts de match, voire pourquoi pas. T'imagines, genre, c'est elle l'héroïne, t'es genre finale 0-0, 80ème, elle rentre, bam, elle claque 1-0, on gagne face aux États-Unis. Sylvain Viltord, c'est la Sylvain Viltord de l'Euro. Ah, ça serait tellement bon. Faut inviter sa maman aussi. Et puis sa maman. Ah, ben alors, par contre, faudrait essayer. Ah ouais, si jamais elles vont au bout. La maman plus Eric, c'est ingérable. Si c'est là. Ingérable totalement. Ah ouais. Je lui en ai parlé de sa maman hier d'ailleurs. Ah, mais sérieux, ça faut le faire. Elle me dit, tu vois, moi je suis là. Et dis-moi, la notoire, il était de ta mère. Elle m'a dit, tu vois, moi je suis là. Imaginez la main au niveau du nombril. Et elle a mis sa main au-dessus de la tête pour parler de la notoriété de sa maman aujourd'hui. Est-ce qu'elle a fait Bein Sport ? Faut qu'on essaye d'avoir la mère et la fille en studio. Ça peut être quand même quelque chose de grandissime. Il y a un message sur Twitter de Mathis qui nous dit Eric Dagran qui m'explose mes oreilles. Yes, c'est bon. Je pense que demain t'as. Mathis, je t'embrasse. Puis tous les deux, vous avez, enfin Vanessa et Eric, vous allez être présents donc sur cette Coupe du Monde là, non? Alors dites-nous, voilà, expliquez-nous un petit peu et puis parlons aussi de l'équipe de France, des chances de cette équipe, parce que j'ai l'impression que l'équipe de France, ça fait 15 ans qu'à chaque fois on nous dit ouais elles sont favorites, que ça soit aux Jeux Olympiques, en Coupe du Monde, et à chaque fois heureusement c'est pas filmé Alors, on va essayer de finir dignement cette émission. Donc oui, j'ai l'impression que l'équipe de France, depuis la génération Marinette Pichon et compagnie, ça fait 15 ans qu'on nous, à chaque fois, on Vanessa nous dit... Vanessa est à côté d'Eric, je pense qu'elle vieillit tout au moment de sa vie. Et Vanessa, elle a pris 10 ans en 1h30. C'est sa première en plus à la radio. J'ai l'impression que ça fait à chaque fois, à chaque grande compétition, Jeux Olympiques, hein, Coupe du Monde, on nous dit l'équipe de France, oui, ça peut le faire. Et ça coince toujours en quart, en demi. Je crois pas qu'une fois elle soit allée en finale. Qu'est-ce qui fait que cette année, ça peut le faire? Sachant qu'il y a toujours, évidemment, les éternelles équipes favorites, les États-Unis, tous les pays du Nord, évidemment. Les Anglaises, les Norvégiennes, les Allemandes, il y a qui d'autre aussi? Les Chinoises, enfin bref, il y a toujours les Brésiliennes. Qu'est-ce qui fait que cette année, on peut y croire, monsieur, mademoiselle? Déjà, je pense que tout d'abord, en fait, c'est par rapport à la génération. Là, il y a quand même pas mal d'anciennes qui sont parties. Et je pense que la force de cette équipe de France, c'est le mix entre la jeunesse et les joueuses d'expérience. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans cette équipe de France, il y a des jeunes qui ont gagné la Coupe du Monde. Je crois que c'était la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc, qui savent ce que c'est de gagner une Coupe du Monde. Et du coup, elles arrivent avec ça. Elles ont déjà eu un titre. Et je pense que c'est quelque chose qu'elles peuvent apporter à cette équipe de France, tout simplement. Ouais, vas-y, continue. À moins que tu aies terminé. Et Eric, si tu es chaud. Non, mais vas-y. Adrien, parle. Adrien. Le tournoi, c'est un tournoi amical avec les États-Unis. Mais oui. Ça s'appelle la She Believes Cup. Voilà, c'est ça. Que la France a remporté il n'y a pas longtemps. Ouais. Ont gagné aussi contre les États-Unis au début de l'année. 3-0, c'est ça. Enfin, y a des choses, il y a des moyens pour faire quelque chose. Il y a des messages forts aussi qui sont envoyés par l'entraîneuse des féminines, de ne pas prendre certaines joueuses. Il y a quelque chose à faire. Il y a une dynamique équipe de France en ce moment. Elles peuvent créer vraiment une belle chose. Et ça serait dommage de passer à côté, même pour les supporters, de ne pas s'intégrer dans cette fête qui peut être magnifique un an après le titre des hommes. C'est surtout que ça va se jouer à la maison, donc ça se joue en France, c'est complètement différent de toutes les autres Coupes du Monde. Et puis là, il ne faut pas oublier aussi que... Enfin, tu parles de messages forts, mais il y a quand même... la semaine dernière, j'étais à TF1 pour la présentation du dispositif. Merci Eric. Et du coup, il y a, quand même TF1 qui va diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde féminine, tous les matchs des Bleus sur cette Coupe du Monde féminine avec Margot Thon, Lisa Razou et Camille Abili au commentaire. Je crois que c'est la première fois qu'une compétition féminine est prise autant au sérieux par les, entre guillemets, par les médias RMC, c'est qui ça. D'habitude est en vacances. Ben là, ils vont mettre toute leur team, enfin l'intégralité de la Dream Team, des gens que vous entendez, que ce soit Courbis, Dugas, enfin tout le monde sera sur la Coupe du Monde. Bribois, Riolo, tout ce que vous voulez. Canal Plus va diffuser tous les matchs. Et il faut savoir bon, aussi après, que c'est la... en France, hein. Ça aide aussi un peu. Ouais, mais la FIFA atteint 1 milliard de téléspectateurs. La vache, une personne sur 6 dans le monde va regarder la Coupe du Monde féminine. En même temps, s'il y a 3 milliards de femmes, c'est normal. Comment ils cumulent ou... Moi, je voudrais juste préciser, pour avoir la chance de suivre cette équipe de France depuis 6 ans, que j'ai jamais senti autant une osmose, et un autour de la coach, et un au groupe avec autant de talent. Parce qu'il y a eu, mais j'allais te dire, il y a déjà eu des équipes de France quand même par le passé qui étaient sacrément talentueuses. Mais là, si tu veux, par exemple, on prend juste que Amandine Henry, qui est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France, c'est probablement à son poste la meilleure. Je pense au monde. Tu as Amel Majri sur le côté qui est en contact avec le Barça, qui est une superbe joueuse. T'as Eugénie Le Saut. Pardon? Cascarino, j'allais dire aussi. T'as Cascarino qui est effectivement aujourd'hui qui explose sur le côté droit l'équipe de France qui est à Lyon. Tu as Mbokbati derrière dans l'axe, charnière avec Wendy Renard, c'est une charnière de fou. Je vais t'en citer d'autres. Grâce à Gayoro qui joue en 6, qui peut jouer en 8, qui peut jouer en 10, c'est le Vigiamdoun de. Moi, je vous cache pas, il y a que la gardienne. Je ne comprends Sarah pas. Boadi, mais Sarah Boadi, je ne comprends pas que cette elle est sûrement très gentille, cette demoiselle, tu la connais sûrement mieux que moi. Mais je suis désolé, je ne comprends pas. Mais tu vois, il y a Solène Durand devant, t'as la garnière d'Arsenal et pourtant, c'est elle qui est titulaire. Honnêtement, Eric. Ouais. Sans vouloir, je vais pas te faire dire ce que tu veux pas dire. Hein. Ouais. Mais honnêtement, Sarah Boadi, elle est pas à Lyon. Elle est à Lille, à Bordeaux, à Saint-Etienne. Mais elle est pas en équipe de France, on est d'accord. Sarah Boadi, c'est son avantage, c'est son expérience. Pour moi, elle est en équipe de France que parce qu'elle est à Lyon. Elle a fait, elle a fait 3 ans aussi à Clairefontaine, elle a une formation vraiment appuyée. Je peux pas comparer les niveaux des équipes, puisque à part à Bordeaux, et elle est néo-zélandaise, je vois que les équipes nationales qui affrontent l'équipe de France, et souvent... l'équipe de France est favorite et vraiment pour connaître un peu le groupe et pour en avoir parlé d'ailleurs pas plus tard qu'hier après-midi avec Corinne Diacre, on parlait de l'implication des joueuses et elle me prenait un exemple où elle me disait tu vois ce matin on était levé à 6h30, on a été faire un double entraînement avec un truc où il y avait une séance où on sentait qu'on avait un peu de perte de temps pour la situation où elle devait être sur le terrain à un instant T, tu vois, c'est vraiment tout calculé. Et elle a dit bon ben on va laisser un peu ou pas, et derrière non on y va au fond. Les filles ont continué à jouer et elles ont été à la seconde près, à l'endroit du terrain où elles devaient être. C'est-à-dire que je vais probablement pas être objectif, alors que Nando Chalan est dans un état d'ébriété avancé. Je ne voudrais vraiment pas que ce soit subjectif mes propos, parce que je défends cette équipe de France et je la suis depuis bien longtemps. Mais je crois que physiquement, techniquement, et psychologiquement, parce que finalement la zone d'ombre elle est psychologique, parce que c'est la première fois qu'il y a une compétition qui se joue sur notre territoire, avec un premier match au Parc des Princes, alors contre la Corée qui n'est pas un foudre de guerre, mais on aurait un 8e de finale contre la nation numéro 1 au monde qui est les États-Unis. J'en finis avec ma phrase là. Et je pense que, un peu comme le France Argentine en Russie, je pense que si tu passes ce match là et je le souhaite de tout cœur, ça peut basculer. Il y a un truc qui fait que le chauvinisme va, un peu comme pour les garçons, prendre le pas, qu'on va être derrière cette équipe et que et ce soit sur la dynamique de l'année dernière. Et absolument, et que ce soit de la gardienne à la remplaçante, tu vas avoir une équipe morte de faim, parce que c'est vraiment des nanas qui, tu vois. Et je lui disais, mais t'as quand même pas les Lyonnaises, il y a la finale, t'inquiète pas, on a prévu le truc. Enfin, moi je crois vraiment, d'abord le président qui a tout fait pour que ce soit une compétition où l'équipe de France soit mise en avant, les médias, vous l'avez parlé, et je crois que si nous tous on est derrière cette équipe, mais il y a un supplément d'âme qui peut, j'espère, générer une victoire au bout. Moi j'ai une question pour vous qui suivez cette équipe-là. Les caractéristiques de l'équipe de France cet été à la Coupe du Monde masculine, c'était la vélocité, la capacité à produire du football à haute intensité et sur plusieurs et Adil Rami qui fait des sur sketchs sur plusieurs temps de jeu. Est-ce que ces caractéristiques-là, qui étaient françaises pour le football masculin, c'est des caractéristiques qu'on retrouve dans le foot féminin ? Ah, bien sûr, parce que c'est du foot tout court. Non, enfin, est-ce que c'est des caractéristiques d'équipe, ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment ce qui caractérise cette équipe de France là, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est la technique, ou est-ce que moi, excusez-moi, je suis totalement novice en foot féminin. Est-ce que tu as déjà vu un match? Est-ce que tu as vu le France-Angleterre ou France? Bon, j'entends bien. Quand je vous dis alors, je suis novice, je suis vraiment. Alors, Je crois que j'ai vu une fois une finale de JO. D'accord. Alors, il te reste deux matchs. Le 25 et le 31. C'était du hockey sur glace. Non, c'était foot féminin. C'est le Japon qui a gagné. Il te reste deux matchs, le 25 et le 31, pour te faire ton idée. Et je pense qu'on verra les équipes types pour les automatismes. Une fois que je vais être pris dans la compétition. Oui. Et moi, pour répondre à ta question, je veux dire que malheureusement, depuis deux ans, on assiste qu'à des matchs amicaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau de l'intensité, de l'implication, et avec le championnat à côté, on peut pas mesurer. Mais la seule chose que moi, je puisse te dire du bord de terrain, c'est que il n'y a pas une joueur qui s'en fout. C'est-à-dire que les 23, ou celles que j'ai pu voir depuis maintenant quelques années, et avec Corinne Diacre, ou avant avec Echouaveni, ou avant avec Bergerot, ou avant avec Bini, ce sont des joueuses qui ont qu'un objectif, c'est la victoire, quoi. On l'a eu chez les garçons. Là, je crois que la philosophie est la même chez les filles. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de revanche sur les garçons? On l'avait après l'Euro. Là, sur cette génération de l'équipe de France féminine, où on a eu le sentiment, pendant un moment, où elles allaient y arriver et tout ça, il y a eu un creux. J'ai eu du mal avec les choix des fois des entraîneurs. Quand on voyait Chouafni, pourquoi lui à ce moment-là, vu qu'il est quand même entraîneur du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, oui, mais c'était au moment où il va en équipe de France, je crois qu'il sort d'un échec avec Sochaux. On a là avec Corinne Diacre, où c'était vraiment celle qui était en vogue en ce moment, et on sent qu'il peut avoir une dynamique et elle en impose. Ça veut dire que vraiment c'est la personne forte. Quand on parlait de football féminin, elle imposait ce qu'elle a fait à Clermont. T'as dit ce que j'allais dire. Effectivement, le fait qu'elle soit entraîneur pour chez les garçons, qu'elle se soit fait respecter, qu'elle ait une connaissance aiguë du football, aiguë du comportement humain, parce que c'est aussi ça, gérer un groupe, le choix fort qu'elle a fait en ne prenant pas des joueuses au détriment d'autres, je pense que, si tu veux, c'est quelqu'un. Alors, je peux te le dire. Elle a du caractère. Elle laisse zéro place, un peu comme Didier Deschamps, au doute. Et tu vois, j'en parlais avec elle quand on est parti en Russie pour le match contre la Russie. Elle me disait, tu vois, je viens d'envoyer un texto à Didier Deschamps pour lui souhaiter bonne chance pour le match de ce soir. Je pense qu'entre les deux, ça communique. Il y a une vraie, il y a des vases communicants. Je pense qu'il y a l'expérience de l'un qui peut servir à l'autre, l'humilité de l'autre qui écoute aussi celui qui a été champion du monde et pas que. Je pense qu'au sein de la Fédération française de football, tout est fait. Alors après, il y a l'incertitude du sport, on est bien d'accord, notamment quand affronte, je le redis, les États-Unis en huitième. Mais je pense, et là je vous invite et le dire à vos amis, même si Lando finit son saucisson à ma droite, et que Snacky le baille pour la huitième fois. Mais vraiment, il faut regarder l'équipe de France. Je pense que Vanessa, tu vas être d'accord avec moi. On se régale, quoi. Mais après, tu parles de revanche. Vas-y. Tu parles de revanche, moi ça me fait penser à un truc, c'est les jeunes de la génération Mbappé, tout ça, depuis qu'ils sont un peu connus, on leur parle de France 98, Mbappé il était même pas né, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné ça devait quand même leur trotter dans la tête que voilà, ils voulaient que ça soit eux la nouvelle génération, et vraiment qu'on dise, ben voilà, c'est eux aussi ils ont marqué l'histoire. Là dans le cas de l'équipe de France, elles ont jamais gagné de titre. Et c'est surtout que voilà, c'est une Coupe du Monde à la maison, et tu te dis que voilà, les joueuses depuis, enfin voilà, c'est depuis 2011 qu'on entend parler du foot féminin, mais enfin moi, pour avoir joué au foot quand j'avais 6 ans, enfin on nous a toujours dit que le foot, bah voilà, c'est pas pour les filles. Ça commence à développer depuis 4-5 ans, et puis il y a les clubs qui commencent à mettre les moyens. Mais ces joueuses-là, elles savent qu'elles peuvent marquer l'histoire, tout simplement que voilà, si elles gagnent cette Coupe du Monde, c'est les premières. Et surtout... Un screamer. Surtout, je pense qu'elles ont l'envie de gagner pour dire, bah voilà, nous aussi, on est capable. C'est même pas un sentiment de comparaison, c'est voilà. C'est surtout qu'il y a des joueuses qui peuvent vraiment être faire la diff, et aussi quand alors moi je l'aime bien parce que notamment le poste où elle joue, mais Amandine Henry. Pour ceux qui ne regardent pas le football féminin et autres, Amandine Henry, c'est le type de joueuse qui peut vous faire aimer ça. C'est le type de milieu qui fait aimer le football et tout ça. Et voilà, aussi Wendy Rona en défense. Elle impose un respect énorme. Moi, j'ai regardé vite fait les caractéristiques des joueuses parce que, comme je l'ai dit, elles sont quand même un petit peu âgées. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'Espagne. Alors, laisse-moi finir. Mais Gaëtan Tiné, non, mais tu pourrais parler de Gaëtan Tiné en disant ça. Sauf que c'est sa dernière compète. Mais c'est et ça. Qui revient nous. Ça me fait un petit peu penser à l'Espagne où l'Espagne pendant des années courait après les Raoul et compagnie. Et finalement, c'est quand eux ils sont partis, que Raoul est parti, que la génération d'après, ça a déclenché quelque chose. Est-ce que c'est pas quelque chose, malheureusement? Je pense vraiment qu'on est. On a la team qu'il faut au moment où il faut. Et je le redis. Et les gars, je vous inviterai au Quick qui ouvrira bientôt, Barrière de Pessac, entre 22h et 22h15, uniquement le vendredi soir. Mais vraiment, non. Sans ronda. Non, mais plus sérieusement. Non, surtout que moi, je suis plutôt flunch. Parce que légumes à volonté. Non, mais vraiment, je crois vraiment que là, si elle passe les États-Unis, voilà, on va au bout et je mange le bonnet de Snacky. Nando, Snakil, on vous a pas entendu. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous allez suivre? Alors vous, moi, j'avais. T'as le droit de dire, je m'en fous et je regarde pas. Absolument pas, parce que moi, je regarde le foot féminin. Tu vois, j'ai juste écouté solennellement parce que non, c'est pas vrai. Non, mais j'aime beaucoup ça. La seule question que je me pose, par exemple, c'est bien qu'il y ait cette petite, cette entente que j'ai découverte entre Didier Deschamps et Corinne Diacre. Mais bon, n'oublions pas qu'il y a un petit facteur qui va peut-être manquer. C'est, on avait la chatte à Dédé. Est-ce qu'on va appeler ça la chatte à Coco? Alors là, il y a Vanessa qui se pend. Alors, je pense qu'on n'appellera pas ça comme ça. Mais je suis d'accord, on veut l'égalité homme-femme, je suis d'accord Nando, je suis complètement d'accord avec toi, l'égalité nous voulons, l'égalité nous aurons. Ça va, à cette heure-ci on peut se permettre. Snakil. Après le coup de la chatte, je sais pas si je peux passer derrière. En parlant de ça, est-ce que vous avez vu l'anecdote sur Jérémy Janot et l'équipe de France? Oui. On lui a fait la proposition comme quoi pour devenir entraîneur ou être dans le staff de l'équipe de France, et en fait il a refusé parce que lui il a l'habitude en fait d'avoir un contact avec ses gardiens et toujours de mettre une tape ou enfin genre des petits gestes affectifs, et en fait c'est pour ça aussi qu'il a refusé parce qu'il avait peur de faire ça avec des joueuses et que ce soit mal vu. Ah. Le monde où on vit aujourd'hui, le moindre truc ça peut tu peux partir en procès. Finalement on a entendu un peu ce qu'a dit Eric, ce qu'a dit Nando aussi. Ça me donne envie de regarder vraiment. Alors j'ai déjà regardé les Coupes du Monde, celle d'avant je l'avais regardée. J'avais été très triste, je sais plus pourquoi. J'ai l'impression qu'on se font sortir un peu de manière sale, non, avec l'arbitre, un truc à la con. Est-ce qu'il y aura la VAR, Vanessa ou Eric, je sais pas si vous avez. Il y aura la VAR. Génial. Ah bah alors là. Non mais voilà, après je suis un petit peu aussi les Girondines au niveau du classement, je regarde un peu, alors j'avoue je regarde pas vraiment les matchs qui ont fait une super saison. Voilà, qui ont fait une super saison et ça m'a vraiment donné envie d'ailleurs l'année prochaine même de faire une vidéo sur les filles parce que je pense qu'elles le méritent, et je sais que je le dis, je l'ai pas fait, il faut vraiment, promis, l'année prochaine je vais mettre en valeur plus les filles et le foot féminin. Voilà, s'il y a bien un truc qui a fonctionné dans le club cette saison, je vais même pas vous parler des jeunes parce qu'on sait comment ça a terminé, mais s'il y a un truc qui a fonctionné cette saison et qui fonctionne depuis 4-5 ans à Bordeaux, c'est bien la section féminine. Tu dis 4-5 ans, ça fait 4-5 ans justement qu'elle existe. Oui, bah voilà, ouais. C'est super, ça, super jeune en fait cette équipe. Elle est en constante, elle ne fait que progresser d'année en année. Désolé tout à l'heure d'avoir un petit peu choqué l'assistance. Ah non, mais c'est très drôle. Je ne suis absolument pas misogyne car franchement, je regarde et souvent je partage dès qu'il y a des matchs, je regarde. Après, je ne vais pas dire que je suis tout le championnat de D1, mais par contre, voilà, c'était juste pour le bon petit. Ah oui, non, mais pas de soucis. Oui. Moi, c'est une question que je pose. Vous qui suivez bien les Girondines, qu'est-ce qui fait que. C'est quoi le prochain palier pour atteindre Lyon et Paris pour les Girondines? Ah, bah tout simplement, il y a la troisième place. Moi j'ai vu vite fait 7 ou 8 contre Lyon. Non, il y a la troisième place. Je sais pas, honnêtement. Il faut savoir que l'Olympique Lyonnais, ça fait des années et des années qu'ils ont eu de la chance Il n'y a que deux places en Ligue des Champions, c'est ça, chez les féminines. Donc c'est-à-dire que si on veut vraiment évoluer, il n'y a que cette compétition-là. Donc en fait, il n'y a aucune place pour. Le truc, c'est qu'il faut que le club, il donne. Enfin là, déjà, on voit que cette année, ils ont pas mal communiqué. expliquer. Il y a des choses qui sont faites avec l'arrivée des Américains, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'aux États-Unis, le football, c'est un sport considéré comme masculin. Et du coup, je pense que voilà, si pour arriver à rivaliser avec Lyon ou le PSG, il faut des moyens. Enfin, si vous donnez les moyens aux joueuses de s'entraîner, déjà, toutes les joueuses à Bordeaux n'ont pas un contrat professionnel. Enfin, oui. je sais même pas s'il y en a une qui en a un. Il y a plus. Vraiment professionnel, je crois que c'est des contrats fédéraux, non c'est, ah, c'est pas... peut-être. Enfin, on avait eu Stéphane Martin qui nous en avait parlé de l'évolution. Je crois qu'il y en a une, deux, mais je... Ouais. Mais sachant c'est que dans cette équipe, il faut savoir, dans l'équipe des féminines des Girondins, il y a quand même des joueuses qui font des études, il y en a qui travaillent, il y en a qui passent des partiels. Enfin, le fait qu'ils arrivent un jour à concurrencer l'OL ou le PSG, c'est juste que elles seront passées pro, elles auront les infrastructures, elles auront tous les moyens mis à disposition pour devenir des athlètes. Alors, je voudrais juste deux choses sur la com. D'abord, dire quand même saluer ce que font les Girondins, effectivement, au niveau de l'équipe féminine, au niveau de la com, au niveau du stade, au niveau de l'implication du club, et saluer la présence de toute la direction lors du dernier match contre le PFC, contre le Paris FC. C'est un clin d'œil, mais c'est aussi dire quand même qu'il y a une volonté de le faire. Et puis, deuxièmement, j'en parlais avec le CM de l'équipe de France hier, justement, sur le traitement de l'équipe de France féminine pendant la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde en général. Les moyens seront identiques. Au même titre que les médias vont mettre le paquet, que ce soit TF1, mais tu parlais d'RMC, effectivement, Jarry Sigui m'a confirmé qu'il ferait tous les matchs de l'équipe de France. Le CM de l'équipe de France m'a dit, on a la même équipe pour une compétition de cet ordre-là. Et la FIFA, je sais de quoi je parle, puisque je suis partie prenante pour cette Coupe du Monde en tant que speaker, je peux vous assurer que l'implication de la FIFA sur cet événement est considérable. Est considérable. Et qu'il ne faut pas minorer l'événement, même si on est un peu en regard un peu distancié sur cette Coupe du Monde. Vanessa l'a dit, il va y avoir beaucoup de monde. Les stades sont remplis aux alentours de 70%. Les matchs de plus que ça, c'est plus d'un million. Les matchs d'équipe de France sont complets. Les demi-finales sont complètes. Match pour la troisième place est quasiment complet. La finale, c'est à Lyon, absolument. Les demi-finales également. Et le match pour la troisième place est à Nice. Et c'est un taux de remplissage où il y a 60% de Français, mais ça veut dire 40% d'étrangers. Et il y a beaucoup d'Américains, ce qui induit que cette compétition-là doit être aussi pour nous, Français, et pour ceux qui le regardent un peu avec un regard un peu, c'est pas une critique, hein, mais le regard un peu, sibyllin, je sais pas si on peut dire ça d'un regard, mais en tous les cas, vous l'avez compris, je pense que ça peut starter de quelque chose, et si enfin l'équipe gagne quelque chose, l'équipe de France gagne quelque chose, ou elle est en finale, ça peut être vecteur d'un intérêt pour celles qui démarrent dans le sport et qui ont envie de faire quelque chose. Alors, avant de terminer l'émission, parce qu'il est déjà 10h, j'avais juste une dernière question. On a plus de temps. Non, mais rapide, sérieux. Non, justement, pour faire très simple, comme vous le disiez, la Coupe du. Bon, je vais peut-être passer pour les tontons flingueurs, mais c'est pas grave. Cette année, il y a le mondial féminin qui se joue en France. Elle surfe sur la bague des champions du monde de l'été dernier. Honnêtement, j'ai regardé l'Euro l'été dernier. Il y avait déjà beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe de France-là. Alors peut-être que c'était pas le même groupe. Il y avait pas mal de changements dans le groupe, avec notamment donc ce Olivier Chouafny qui a été remplacé par Corignac. Il me semble que c'était déjà Chouafny à l'époque de l'Euro. Et il me semble qu'elles sont sorties en quart de finale, si je dis pas de bêtises, ou dans un match dans lequel elles avaient énormément déçu. C'était l'Angleterre ou l'Allemagne, je sais plus. L'Angleterre. À une prestation comme celle-là, etc. Est-ce que cette compétition n'est pas, enfin, pourrait être, fondatrice, pourrait pas être dangereuse justement pour Corignac et son groupe? Et qu'est-ce que Corignac peut amener de mieux à cette équipe de France-là par rapport à Olivier Chouafny? Tu regardes les matchs qui arrivent, le 25 et le 31. Et si tu entends but, tu sauras qui c'est. Et surtout, je peux t'assurer que vraiment, vraiment, tes propos, tu auras la réponse le 25 et le 31. Alors, à 16h. Ah oui, précise, c'est le samedi. C'est pas 21h, c'est 16h. Oh, ça va. Donc plutôt samedi, qu'aller sur les quais, vous regardez le match. TF1. Eric oui, Vanessa, parce que je te vois pas, t'es caché derrière mon écran. Ah non, mais je voulais juste dire que pour ceux qui veulent suivre la Coupe du Monde en France, en fait, je vais pas mal partager de trucs sur mes réseaux sociaux. Bon, je fais mon petit moment. T'inquiète, j'allais faire le moment. Chacun allait avoir son petit moment. Par rapport à mon compte Instagram et mon compte Twitter sur Champion du Digital, en fait, j'ai été sélectionnée par la FIFA sur un truc qui s'appelle. Excusez-moi. Jean L'Enfant t'a sélectionné. Sur un dispositif, ça s'appelle FIFA Fan Movement. Oui, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de compétent autour de cette table. En gros, ils ont sélectionné une vingtaine de personnes investies dans le foot dans chaque pays, que ce soit des blogueurs, des freestylers, ou enfin des gens qui ont un blog ou quoi. Et du coup, en fait, on a des challenges toutes les semaines pour faire des vidéos sur la Coupe du Monde, sur les différentes Coupes du Monde, parce qu'il y a la Coupe du Monde U20 aussi qui va se passer en Pologne. Et du coup, je vais essayer de suivre cette Coupe du Monde sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà, je crois que tu allais me dire que je vais aller en Pologne, parce que là, Mais non, mais justement, peut-être. Ah, ben ça serait une bonne nouvelle. En fait, ça commence dans 7 jours, je crois, un truc comme ça, la Coupe du Monde. D'accord. Juste avant, en fait, la Coupe du Monde féminine. Avec Yacine Adli. Et je précise qu'il y a un match préparatoire justement avant le départ pour l'Italie, puisque le championnat d'Europe c'est en Italie et à Saint-Marin, l'équipe de France des moins de 21. Ce sera au Mans face à la Belgique. Les espoirs, je parle des espoirs. C'est quand le match au Mans C'est le 3. Le 3. Oh, c'est un lundi, je rentre le 2. Cet été, c'est fabuleux pour l'équipe, pour la fédération française, puisque tu as. On a été éliminé hier en U17, malheureusement. En demi-finale contre l'Italie. Oui, il y a la Pologne et il y a la Coupe du Monde des U20 fin juin, je crois. Ouais. Et dans la foulée, il y a le championnat d'Europe des espoirs. Ouais. Ouais. Deux dernières choses avant de se quitter. Le 23 mai au 15 juin pour la Coupe du Monde U20. Deux dernières choses avant de se quitter. Qui, selon vous, parmi nos quatre, je crois qu'on a quatre internationales qui disputeront la Coupe du Monde. On a Viviane Essegnie, évidemment, avec l'équipe de France. On a Kathleen Souza avec le Brésil, avec la Nouvelle-Zélande, et la quatrième, Raoul Belanova. Non, mais je parle des filles. Vanessa Gilles est au Canada. Il n'y a pas encore eu la liste pour le Canada. Potentiellement, on en a quatre. Oui, mais potentiellement. Bon, grosso modo, c'est Viviane Essegnie et Kathleen Souza qui ont le plus de chances de. Si on veut suivre une bordelaise, on suit plus la France et le Brésil que peut-être la Nouvelle-Zélande. C'est ça que. Et puis salut Alain Bertoni, qui est le speaker qui fait les féminines, qui sera à Montpellier en tant que speaker FIFA. Très bien. Eh bien, voilà. On salue ce monsieur, voilà. ton collègue. Voilà. Moi, je salue Claire Lavauger, qui doit nous répondre depuis un an. Que j'embrasse. Que j'embrasse. Non, c'est vrai. Si tu nous entends, on attend ton message, vu que ton frère nous a dit que tu nous répondrais. Donc voilà, petit message. Mais dommage qu'elle soit pas en équipe de France en plus. C'est vraiment. Je vous invite à aller regarder le but qu'elle avait marqué, je crois, sur la Coupe du Monde du vin, Claire Lavauger. Oui. C'est vrai qu'elle n'est pas en équipe de France, c'est dommage. Exceptionnel. Parce qu'elle a fait plutôt une bonne saison, je trouve. Oui, ouais. Sauf que Corinne ne l'avait jamais pris. Enfin, Katoto n'a pas été prise non plus. Elle l'avait pris et donc elle a été gardée dans sa logique. Elle aussi, Claire Lavauger, entre guillemets, sa trajectoire. Alors qu'elle était au top en équipe de France, là, elle ne le retrouve plus, alors que c'était un grand espoir du football français. Merci. 22h28, on a débordé de 28 minutes. Mais qu'est-ce que c'est 28 minutes dans une vie, je vous le demande. C'est pas bien grave. Mais allez les Bleus, allez Bordeaux, vive la vie. À émission exceptionnelle, dépassement exceptionnel. C'est oui, parce qui le président. Parce que depuis cette année, on s'est mis à respecter les horaires. Proposition. Alors... On va rapidement, il y a des gros scores en Ligue 2, c'est là bientôt à la fin des matchs. Sochaux mène 3-1, donc a fortiori ça devrait passer pour la 18ème place. Lens met une tannée à Orléans, vous ferez le point. On fera le point. Mais on va déjà remercier Giggs, le. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Le community manager de Winamax Sport qui était avec nous tout à l'heure au téléphone, Alex aussi, auditeur qui nous a appelé. Je vais commencer les remerciements. On va faire de droite à gauche. On va commencer par les filles. Vanessa, merci beaucoup. On te retrouve sur championdudigital.fr. C'est sur c'est un site. Ouais, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. LinkedIn, tout. Tout partout. YouTube. Vanessa, elle est multitruc. Vous pouvez le trouver n'importe où. Je suis sur Wanted. Je vends deux robes. Et sur le bon coin. Allez hop là, vendu. Merci à toi en tout cas, vraiment. C'était une première réussie, je trouve. Merci. Merci à toi. Et puis écoute, t'es la bienvenue dans cette émission. Première fois facile en plus à côté d'Eric Dagan. C'est ça. Oui, c'était on t'a mis un. Qui a on fait t'a, que manger tout le long. On t'a mis un client facile à gérer. Eric, c'est une fois de plus merci à toi d'être venu. C'est comme à chaque fois qu'on t'a dans cette émission, c'est un grand plaisir. C'est partagé. Merci pour votre accueil, pour le champagne, le foie gras, les cèpes. C'était formidable. Je compte sur toi sur la fin de l'émission là quand je vais finir. On se voit demain. demain. Et puis toute la Coupe du Monde à partir du 7 juin. On se voit au Parc des Princes où j'aurai mon écharpe planquée. Tour de France ou pas cette année? Oui, Tour de France. Finis la finale le. Finis le 7 la finale à Lyon et je prends l'avion pour Bruxelles et retrouver le Tour de France. Voilà. Et j'ai envie de dire partout et tout le et temps. Attention. T'arrêtes jamais. Faut que tu te prépares pour la course des mascottes. Pour le Tour de France. Ah oui, c'est pas un souci ça. T'arrêtes jamais, c'est un truc de dingue. Et saluer bien sûr la Fédération Française de Rugby parce qu'il y a les deux tournois de Seven, dont notamment un chez Nando, dont je vous donnerai le portable pour les manger chez lui, le 15 et le 16 juin prochain, pour l'étape mondiale féminine du Seven. Pars pas de suite, j'ai besoin de toi sur la fin de l'émission. D'accord. Et je peux finir par partout et tout le temps, allez Bordeaux. Allez. Merci beaucoup. Partout et tout le temps, allez Bordeaux. Nando Chachalana, on te retrouve, merci à toi d'avoir fait la route exprès pour venir. On te retrouve, merci, ça s'applaudit, bravo. Surtout que tu vas rentrer pour revenir demain. Évidemment, Twitter, enfin les gens qui ont l'habitude de te suivre, Twitter. T'as Facebook, t'as j'ai Instagram Facebook. T'as... Non, j'ai non. pas Instagram, Twitter, aussi Facebook. En perso, moi je suis, voilà, mais. Non voilà, mais merci à vous, à toi. Ce fut un plaisir. Ben également. Alors voilà. Bon, on est un peu à distance, mais voilà, ouais, si bon. Au téléphone ou en studio, il y a pas de souci, c'est un plaisir pas à chaque problème. Fois. Monsieur Snakil, merci également. Salut à tous les auditeurs. Hein, ben oui, je suis un mec poli. Égal. Bien. Et allez Bordeaux. Le gars qui essaie de finir sur une bonne truc, tu sais. Et merci à toutes les poli. Auditrices. Bon, chante à coco. Mais alors le pauvre Snakil, à chaque fois ça tombe sur lui, c'est de rebondir non, c'est... derrière. Surtout alors Snakil, je suis un peu alors je suis déçu juste parce que j'ai perdu 12 à 9 au challenge de Chocobon avec Nando, il m'a battu j'ai rien pu faire. Attends, là c'est fin du temps réglementaire. Maintenant il y a les prolongations. On peut Peut-être faire un tir au but. À moins qu'il y ait plus de balles neuves et dans ce cas-là, on est embêté. Mais là il avait la chatte à coco. Et du coup, merci à tous, ça m'a fait plaisir de rencontrer déjà encore tout le monde. Alors j'avais un peu vu Eric, Nando, j'avais pas vu donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà, Vanessa, donc c'était super cool. Merci aux auditeurs et puis vous pouvez me retrouver encore parce que je ne suis pas mort hein, ben même oui. si on dirait parce qu'on a l'impression que je me suis suicidé tu vas nous faire une petite vidéo de récap de tout. Alors je prépare un truc après pour l'année prochaine, je prépare j'espère vraiment pas mal de choses et surtout j'ai envie de faire des vidéos drôles mais un peu plus professionnelles donc à l'instar de ce que j'ai fait avec la vidéo sur la boutique, j'ose espérer que je pourrais un peu vous surprendre et je vais vous surprendre et j'espère que ça se fera, je peux pas vous dire mais j'aimerais bien et ben avec plaisir, oui. Je fais la promo la promo des vidéos pressentiment oui. dans 15 jours. Oh la vache, je savais que j'oubliais un truc avec toi. Ça va être, ça va être je très, savais très que j'oubliais un truc. Je vous remercie le regard de mes deux copains qui ont pu. Mais oui, je savais que putain, tu vois, voilà. Je l'avais pas mis dans ça, le programme. Ça va être, je savais que j'oubliais un truc pressentiment. C'est pas grave. Deuxième saison. Ouais, on va appeler ça en saison. Ouais, je vraiment, il y a je pense 95% des plus grands journalistes. Ouais, t'as pris du lourd. Les plus grands journalistes français sportifs sont dans pressentiment. Voilà. C'est vraiment ouais franchement top ouais. Du coup non mais je peux on retrouve ça sur ça sera sur ma chaîne YouTube et sur Facebook voilà. Twitter et LinkedIn et le premier invité ça sera une femme parce que je voulais absolument qu'il y ait des femmes dans cette émission je travaille avec deux dans le rugby donc ça sera France Piron de l'équipe de la chaîne l'équipe qui sera la première et l'interview a été réalisée là où se passe l'équipe du soir donc vous verrez vous verrez l'émission cool. Donc, sur le plateau et tout sur le plateau et tous les médias qui ont accepté de l'émission j'ai pu tourner dans les chaînes et dans les radios respectives et là je viens d'avoir un message de Grégoire Margoton donc juste on a aussi tourné à TF1 donc vous verrez tout ça bientôt. C'est bon ça. Voilà. Ouais, non, c'est top. C'est vrai, putain, je vais trouver un truc. Non, mais c'est pas grave. Bah, t'es pas obligé d'associer Eric à putain d'ailleurs. Hein, invité. À chaque fois, c'est pour Snacky. Du coup, moi, vous pouvez retrouver un invité, ma peluche ourson Bordeaux, que j'appelle Robert. Et également ma Twingo verte, qui me suit depuis que j'ai 8 ans. Et qui marche toujours, d'ailleurs, qui roule toujours, malgré toutes les années. Voilà, merci à tous. Ben, merci Snacky, c'est un plaisir à chaque fois. Et puis, tu sais, de toute façon, t'es le bienvenu, comme vous tous ici. Cyril. Nous on va rajouter que la saison elle va se terminer mais qu'on va quand même faire quelques émissions exceptionnelles on va peut-être pas s'avancer trop Non, mais non, on mais vous préviendra si voilà. Non, non, on va faire quelques émissions exceptionnelles après. Si on... Laisse-moi finir. Mon sala. Si on est disponible. C'est chiant, ça. Donc on va faire des émissions exceptionnelles après la fin de la saison sans Seb, puisqu'il veut pas. Mais non, faut que les gens soient disponibles. T'es marrant, on annonce ça, on sait même pas si on sera là. Je sais pas. C'est non, toi, c'est... si t'es pas là, moi je serai là. Ah oui, non mais voilà. Donc, voilà. Allez, bonne soirée. On vous préviendra. Merci Cyril, merci Lucas, Enzo. Un truc à rajouter, on s'en va. Ouais, moi je voulais juste tous vous remercier autour de la table et ceux qui sont pas que autour de la table qui ont aussi participé à ceux qui sont sous la table. Voilà, ça c'était les demandes de Nando, on a dû prévoir des non mais voilà, enfin moi je voulais vous remercier personnellement. Avec Cyril on a voulu créer quelque chose qui était un peu différent sur GA et ça a plutôt bien marché. Grâce à vous on a pu vous rencontrer et ça me fait plaisir de vous avoir rencontré on va essayer de faire une petite c'est beau la larmichette. Ouais non mais là je pleure là tu... Non mais c'est cool si on peut enlever quand même toujours la main de Nando de ma cuisse. C'est toujours pas si, mal. Allez, merci vraiment à vous pour cette avant-dernière. On se retrouve nous donc vendredi 20h30. On sera en direct pendant le multiplex, pendant le match des Girondins. On suivra ça les deux en parallèle. 20h30 jusqu'à. Alors là, on sait pas trop où ça va nous amener. On fera le multiplex en direct avec vous. Vous nous suivrez. Attends, Eric, t'en vas pas, ça va être à toi. Vous nous suivrez après match. Vous pourrez nous appeler pour réagir. J'enlève le casque. On va zapper les phrases de fin parce que sinon ça va partir dans n'importe quoi. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, un bon match demain, un bon week-end. Et bon match à tous et allez Bordeaux ! Merci Eric, bonne soirée, ciao.